En direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode hors série Choix des pouleuses de la saison 2016-2017 de la soirée du podcast. Choix des pouleuses. Le choix des pouleuses. Vous allez avoir votre choix de poule par le gars qui a fini 30e l'année passée. Yeah, avec ses choix. Fait que suivez les qu'on puisse 30e pour vrai? Je sais pas, mais t'as fini dans le bottom en tabarnak. Fait que suivez tout GF, tu vois, on va faire des choix différents puis on va gagner. Puis moi, fiez-vous pas à moi parce que moi, je pars fort puis après ça, je drop en tabarnak. L'alignement de départ pour le podcast de ce soir, le numéro 21, Dave Thibodeau. Yeah. Le numéro 98, Alex Galipeau. Yes. Le numéro 31, JF Mallette. Et votre hôte, le numéro 75, JF Cromp. Et voilà, voilà. Oh. On a twisté ça un peu, ouais, là, parce que c'est un peu un but de moi-même de me présenter comme est-ce ça. C'était un but de toi-même. Justement, un but, ça n'a pas de bon sens. Hey, Alex, c'est bon, ça, contrôle. Bon retour. Yeah. Yeah. Tu nous as manqué, ouais, t'attends. Un petit bout, hein. I'm back. I'm back baby doll. I'm back. Daddy's home. On écoute toutes les mêmes shows. Hein. Ouais, fait que tu vas nous faire ton tes commentaires sur les dernières derniers mouvements du Canadien en première période, mais avant tout, on va les faire. Je suis même pas sur le bon soundboard, donnez-moi une seconde. Bon. On s'en va faire l'avant-match. Il y a Jeff Gagnon dans le chat Facebook qui dit hashtag Modelo Squad. Okay. Yeah! Il y a Alex Girard qui marque. Bon, on va enfin savoir pourquoi vous ne gagnez pas votre propre pool. Ouais, ceci va expliquer cela. Mais on a quelques annonces à faire avant de commencer le show. On a dit qu'on avait des trucs à plugger. Premièrement, on est sur Facebook Live maintenant, mesdames et messieurs. Yep. C'est mieux. C'est un ouais, choix qu'on a fait parce qu'on voulait reacher plus de monde. Puis je pense que c'est plus facile pour les gens de nous écouter sur Facebook Live que d'aller sur le site puis de trouver le lien sur Twitter ou sur Facebook puis de en tout cas. Mais le site en ce moment le Facebook Live est dessus, fait que ceux qui écoutaient live sur le site je suis encore là. Sinon on vous invite à venir, vous pouvez vous abonner d'ailleurs en ce moment si vous nous écoutez live à nos streams. Dans le bas, ouais, à droite, il y a un petit piton subscribe, je pense, ou vous abonner. Ça va vous alerter à chaque fois qu'on va être en direct de Facebook. Fait que maintenant, on va faire ça. Les épisodes vidéo vont être quand même disponibles sur YouTube le lendemain là, de la diffusion. Ça, on change pas. Si vous voulez voir nos belles faces. Si vous voulez voir nos belles faces, puis commenter avec nous en direct. Le chat Facebook, beaucoup mieux que notre chat MIRC qu'on avait avant. Channel LSDP. Hashtag LSDP, mais c'est vrai. Ouais, c'est vraiment Channel LSDP, hein, ouais, ça. J'aimerais accueillir aussi tous les nouveaux fans qui nous ont découverts cet été. Il y a plein de monde qui se sont abonnés. Ouais, à nous, ça a grandi pas mal. Ouais. Salut tout le monde. Bonjour. On vous salue comme ça. Merci d'être là. Je vais répondre à un commentaire. Moi, c'est la première fois que je vous parle. Ouais, c'est ça, je suis un peu gêné. Là. Ouais. Moi, je vous connais pas. Beaucoup de monde ont réagi suite à notre épisode sur les échanges avec Subban et Weber puis tout ça qu'on a fait en milieu d'été. Puis plein de monde me disait hey, vous devriez en faire plus souvent si vous êtes bon, faites-en en plus. On en fait plus souvent normalement. L'été, on n'en fait pas d'habitude. Cette année, c'est ouais, un bonus. On en a fait deux. On a fait le repêchage. Il y a des grosses affaires. Il y a eu des grosses affaires. Ça fait un épisode de plus. Sinon, dans la saison régulière, on est aux deux semaines. Donc, vendredi aux deux semaines, c'est notre flow. Puis on va le continuer cette année encore yeah, le plus possible. Ouais, oh yeah! Pendant la saison de hockey, on est assez steady. Puis là, grosse nouvelle, on avait quelque chose qu'on gardait qui est sorti ce matin. Le prochain épisode de la soirée du podcast qui va être l'épisode 3 parce que là, c'est un hors-série aujourd'hui. Là. Oui. J'ai pas joué avec les chiffres du tout parce que le prochain, c'est l'épisode 50 total de la soirée du podcast. Pour l'occasion, nous serons en direct d'Arcade Montréal. Mais c'est vraiment le 50e, c'est même content celui-là d'aujourd'hui. Mais celui-là, c'est un hors-série, comme je viens de dire. Il sort comme de nos épisodes réguliers. Fait que ça serait le 51e, mais ça va être le 50e officiel. Là. C'est l'épisode 50. Pourquoi tu veux te gâcher? Ouais. On s'en fout, c'est l'épisode 50. L'épisode 50 qui va être l'épisode 3 de la saison 2016. Mais d'abord, l'épisode 50, c'est aujourd'hui. All right, on s'élève! On vient en taxi! Non, fait qu'on va être le 5 octobre prochain, mercredi, dès 20. Ben, je pense que c'est 20h à 22h qui est marqué. Fait que 8 à 10, mais... Le podcast, c'est 9 à 10 de ses quarts à peu près. C'est sûr qu'on va buster. À 10 de ses quarts. Pour l'occasion, on va être séparés encore une fois en période de 20 minutes, 3 périodes. Puis pour l'occasion, justement, on va avoir 3 invités. Donc, on va recevoir Éric Hébert du Geek Collectif. No. Éric, qui est l'animateur des soirées aussi à Arcade Montréal. C'est lui qui fait l'animation quand il y a les compétitions le jeudi. On va avoir aussi Sébastien Hood, Monsieur Seb Brutal lui-même de Boulevard yeah, Brutal. Yeah. Ça fait un bout qui nous parle de venir sur le show, puis on est bien content de le recevoir. Et le dernier, le proprio de la place, Dominique, hashtag guillemets papa cassette, Dominique Bourret, qui sera notre troisième invité. Tout ça longtemps que vous venez. Ouais, mais c'est des invités qu'on voulait avoir depuis longtemps, puis on n'avait pas eu l'occasion encore de le faire, puis on n'est pas sorteux, fait que là, on en profite pendant qu'on est là. Ça, fait que... Venez en grand nombre, 7 piastres pour rentrer. Les arcades gratuites toute la soirée. Des jeux de hockey pour vous. Venez vous pogner contre nous à NHL 94 après le podcast. Là. Ça va nous faire plaisir de vous laisser gagner. Puis pour l'occasion, il va y avoir un drink, drink spécial. Mark n'est pas là aujourd'hui, malheureusement. En plus, c'est son idée. C'est son idée à lui, mais le Probert. Puis il va être là live pour une fois. Ouais, il a dit qu'elle allait être là. En tout cas, vous allez pouvoir le voir réserve. Live puis toucher. Peut-être. Fait que le drink, il y aura le Probert pour vous à votre disposition pour toute la soirée. Je vous dis pas. Je sais c'est quoi, je dis pas encore parce qu'ils l'ont pas annoncé. Fait que je vais leur laisser le soin de faire ça. Ça va faire ça en esti. Ouais. Prochain sujet aussi encore à parler. Il y a beaucoup d'affaires à dire. Ouais, t'as bien des annonces. Mais c'est parce que là, tout bouge là, en même temps. Le pôle de la soirée du podcast revient cette année. Et d'ailleurs, le pôle est prêt. GF a eu le temps de faire ça cette semaine. Pardon, ça va être la première année, je pense, qu'on commence avant la saison. D'habitude, on le finit, puis c'est comme, la saison commence le 6 octobre, le 2, le pôle va être prêt. Là, on a un mois d'avance. Ouais. Fait que là, pas d'excuses. Allez faire vos choix de suite. Ouais, c'est ça. Ben là, GF, t'as-tu des trucs ça à dire? Je vais poster le lien tantôt sur notre Facebook là, et notre Twitter. C'est marqueur.com encore, chercher LSDP. Mais on s'améliore. L'année passée, le gagnant a eu son T-shirt à peu près. Attends, là. Même pas un mois après. Je pense qu'il a reçu, je pense, 2 semaines après, pour vrai. Hein? La première fois, c'était comme c'était à Noël. 5 mois. C'était à Noël. il avait gagné au mois d'avril, je pense, ou mai. Il l'a eu à Noël, genre. C'est genre Noël. C'est genre 8 mois après. Ouais, mais regarde, si on ne te doit pas de compte, Calis. C'est ça, Chris, là. Fait que c'est ça. Trouvez le lien sur notre Facebook, Twitter. Sinon, c'est marqueur.com. Cherchez LSDP dans Accès rapide, la soirée du podcast. Des beaux prix à gagner encore cette année. Là. Arrangez-vous donc pour que ce soit pas un Suisse qui gagne qu'on paye ça coûte pas moins cher le shipping. JF, t'as-tu changé les règlements cette année dans le pool, vu que c'est toi qui le gères? L'année passée, c'était l'excellent JS Chapleau. JS qui avait fini 43e sur 43. Et abandonné. On va prendre quelqu'un d'autre, je pense. On a pris le gars qui était à 30 sur 43. Ouais, moins, c'est là. Ça. C'est une amélioration. C'est quand même pas super, là. Dans le fond, j'ai pris la peine de changer les règlements un peu. Je vais à la fin du podcast. Tu n'aimais pas ce JS? Je vais l'expliquer. Non, j'ai voulu comme mettre ça un petit peu plus compliqué, genre, parce que je veux c'est que les donner gens... C'est donner des chances. Je veux que les gens se concentrent. C'était là que j'étais pas bon. Là, on va donner plus de points. Il va le mettre à son avantage. Ouais, c'est sûr, mais je veux vraiment que les gens mettent l'effort sur leur choix. Fait que j'ai changé de coup d'affaire. Contrairement à toi. Puis dans mes, il va y avoir 33 rondes, c'est un pool à rondes, comme on a fait d'habitude. Ouais, puis, c'est mieux le même. Choix, ouais. C'est... À la gang qu'on est. On va vous expliquer ça tantôt. On est, quoi, on est 30 à 40 en moyenne à date. Mais c'est pas mal les mêmes règlements, c'est juste que... Des petites affaires qui ont changé. C'est comme si un goaler compte, il y a des points. Une pause d'un gros lieu à 101 points, ouais, ça me disait. Ça fait le même. Des choses de même. On va vous expliquer ça tantôt. Ah. En détail. Là. Bien. Fait que, c'est génial, ça. Fait que je le répète, ouais. Marqueur. Fier de toi. Marqueur.com, shout out au gars qui dirige ça. Répondu à JF tantôt vraiment rapidement. Là, du bon service à clientèle. J'étais bloqué. J'ai envoyé un courriel. 10 minutes après, il me répond. Il me demande l'accès rapide pour avoir accès à notre pool. Il m'explique après quoi faire. Puis je m'en ai sorti. Merci quand même, JS, pour. Ton sport. Là, mais toutes ces années de service. L'année passée et tout, j'avais eu un fuck parce qu'il y avait des échanges qui n'avaient pas marché. Genre. J'avais échangé Stamkos puis j'étais resté pogné avec. Mais mon échange avait comme compté dans mes échanges. C'est ça qui a fait tout fucker ton pool. Non, je pense pas. Il a perdu à cause non, de je pense ça. Pas. J'ai eu genre la moitié de mes joueurs qui se sont blessés à peu près avant le mois de décembre. Là. Ah, ça fait chier. Donc, Harry Price, Stamkos. Ça fait mal. J'avais l'autre, là... Le petit, lui, là. Le petit mec. Connor McDavid. Ouais, Connor McDavid. Ah, le Connor. Ça y est. Bah, ouais. OK. Fait que le reste des nouvelles, là, je vais l'éclencher vraiment rapidement. Le site web, je suis en train de le refaire en responsive pour qu'il fonctionne sur les téléphones, les tablettes, tout ça. Fait que ça s'en vient. En même temps, on va ouvrir le blog. Fait que JF va avoir accès au blog. Nous faire des petits articles cette année. Ouais, je vais m'exprimer. Le blog, qui va probablement. Tes sujets vont être les mallettes updates. Mallette update, on va parler d'un petit peu de ce qui se passe. Les mallettes enquête, toujours, suivez sur notre YouTube, on va les mettre sur Facebook encore, là, ça continue, va être aussi sur le blog. JF, moi, on a parlé de peut-être se faire des genres de petits LSDP live après des games, des fois, via Skype, et puis parler avec le monde sur YouTube, sur Facebook. Des possibilités, là, on regarde des affaires cette année pour... Améliorer le produit. Ben ouais, on vous en donne de plus en plus. Vous aimez ça, on va vous en donner. Mais ouais, parce que déjà, à TV, c'est de la merde ce qui passe après les games, fait que nous autres, on va être là pour vous encourager. TVA en direct du cœur, c'est quoi? C'est TVA est devenu TVA droit au cœur. C'est le nouveau nom de la chaîne. Puis nous autres, la soirée du podcast, ça va devenir... Drette dans le cul! Non, la soirée du podcast, drette dans les dents. Drette dans les dents. Toi, ton cœur, c'est ridicule. La soirée du podcast, des sujets chauds couverts par des gauchos. Ouais, ça, c'est bon. Hein, ça, c'est... On remercie Dom de... On va trouver de un nouveau slogan. Je pense qu'on te le vole. Ouais, on va te le voler. Pepe Cassiette. L'année passée, c'était On vous en parle avec passion et boisson, mais cette année, ça va être des sujets chauds par des gauchos. Ouais. C'est dur à dire, en plus, c'est un bon exercice d'addiction, on va commencer. C'est vrai, je pars déjà mal des sujets chauds par des gauchos. Mais ça, c'est une affaire pour dire quand t'es chaud. À la fin. Des sujets chauds quand des gauchos. Dernière affaire, juste à dire comme ça, RZO continue, Young Media est en restructuration. Écoutez, la jazette, on va vous en parler tantôt. On enregistre un épisode après de la jazette. Je suis donc pas prêt pour ça. Ben non, mais ça va durer deux secondes, whatever. Fait qu'on est en restructuration, c'est tout. C'est ça. Fait que, on va aller faire comment dire, le tour de la Ligue nationale. On va aller en première période, dans le fond. Tour de la Ligue nationale. Le tour de la Ligue. Fait qu'avant de commencer sur le choix des poolers, j'aimerais avoir les commentaires d'Alex sur ce qui s'est passé avec le Canadien. Rapidement, là, mettons. Des bons moves. L'échange de Subban. Non, je veux... Ah ouais, non, là. Ben, des fois, le tweet. J'suis vraiment déçu. Non, non. Si bon move, je trouve, cette année, pour de vrai. Ben, c'est bold move, là. C'est pas, c'est une petite chance qu'il prend, mais je pense qu'il y a quelque chose, mais plus que ça avance, plus qu'on se rend compte qu'il y avait quelque chose avec Subban. Ok, fait que dans le fond, t'es comme de part de nous autres, là, t'es content du move de Subban. Tu penses pas comme la plupart des fafans, là. C'est plate à dire, mais à un moment donné, il va falloir décrocher, il y a encore du monde qui en parle. C'est sûr que Subban, dans le futur, il y a peut-être plus de potentiel à long terme. Mais à un moment donné, j'adore Subban en tant que joueur. T'as dit peut-être. Peut-être. T'as dit peut-être. Ça se peut, ça. Il y a rien qui dit qui va avoir. Non, il y a rien qui dit. Mais écoute, les odds font qu'il va être tout un joueur de hockey dans genre 2-3 ans. Ça va être genre le point. Mais ça va être le gars. Ouais. Peut-être que ça va être un gars qui va déranger dans chaque équipe. Là, on va savoir. On va voir ce qui va se passer. C'est juste 2-3 ans, j'inclus cette année. Puis, cette année, là, moi, je serais. En tout cas, on verra, mais je serais pas surpris si Subban a une tabarnak de saison. Ah, oh, ça se peut. Là. Ah, mais... il faut qu'il s'adapte à son nouveau club. Oui, il va vouloir. Hey, je te dis, man, il va vouloir en mettre plein la gueule, les mecs. Ah, moi, tout, je pense qu'on va prendre ça. Probablement. C'est correct. Puis là, ça va juste faire les astuces dénigrantes. Tu vois, il y a parce plus que de points que l'année passée, il n'y a pas eu une saison. Il y a eu une saison, une bonne saison. Mais je veux dire, tu sais, il me semble que l'autre année d'avant, c'était comme une meilleure saison encore, là. Moi, j'ai l'impression qu'il va aller retoper l'autre. Ouais, mais c'est un trade fair, là, je pense. Ouais, bon. C'est un trade, mais c'est pas juste un trade de talent. C'est un trade de... Ça répond aux besoins. C'est un trade de besoins, exact. Parce qu'on n'a pas... Tu sais, je veux dire, là, à cette heure, Shea Weber va protéger Price. Il fesse. Il a beaucoup plus de robustesse à la défense. Ouais. Il est plus gros. Il a compté plus de points à powerplay. Fait que ça enlève une lacune, là. Il y a c'est un assez bon défenseur. À la défense, tu sais, puis il y a moins de risques. Puis ça, pour de vrai, je pense que ça gosse vraiment toute l'équipe. Là. Malgré qu'on le laisse aller. Moi-même, Jonathan dit Chris, ça laisse aller. Mais quand c'est 1-0 et qu'il décide de prendre toutes ses épaules, puis il commence à faire ses tapettes. Ça fuck tout ce que tu avais planifié. Man, pour de vrai, je serais un forward là, dans cette équipe-là, puis ça me ferait chier en Chris. Là. Je serais comme tabarnak, man. C'est comme faire la passe. Non, lui, il décide pas comme moi. C'est bon, je vais aller scorer. Ça me dérange un peu. Puis je suis sûr que ça dérange les gars. Donc, regarde, ça, c'est un bon move. Puis, Radu. Parce qu'on va l'appeler Radu toute la saison. Madame, on vous le dit tout de suite. Ouais, R-A-D-O-U. Ça va être Radu là, mais nous, on l'appelle Radu ici. On devrait se faire un t-shirt genre Radu. Là, I love Radu. Avec ça, genre LSDP marqué en dessous. Pour de vrai, s'il paye, là, c'est le meilleur move qu'il y a eu l'été dans toute la Ligue nationale. Moi, j'ai dit. Je pense qu'il va payer. Moi, j'ai dit, s'il nous fait une saison ordinaire, il nous fait en haut de 20-25 buts. Ah ouais. Si c'est une saison ordinaire. Sinon, là, on a un potentiel. Ouais. Genre... Fait qu'il est capable d'aller chercher, genre. Tu sais, comme dirait Mark, là, d'après moi. Tu sais, comme Mark dirait des hosties de top corner. Non, mais il est un tabarnak de choses. Il pourrait devenir un des meilleurs forwards de la Ligue nationale. J'espère juste que. Il a le potentiel. Ouais, mais là, attends, il faut se dire qu'il jouait d'une hostie de ligue de jambon. Ouais, ça va prendre un petit bout avec s'adapte. Il va falloir qu'il s'adapte, là. Il partira pas en peur. Ou il va partir en peur, il va avoir une drop, puis ça va remonter tranquille. Genre. Mais quand ça va compter. Parce que souvent, au début d'une saison, tout le monde, justement, n'est pas adapté encore. Fait qu'il va peut-être réussir à aller en mettre une coupe au début de la saison. C'est là qu'on va voir son talent. Ça va descendre, puis après ça, il va se replacer, mais que le jeu augmente. Il pourrait peut-être être le prochain Kovalev. Meilleur que Kovalev. S'il est bon. C'est bon parce que Kovalev, on s'entend qu'il était bon. S'il est bon. Il était bon quand ça était en tête. Il était unidimensionnel. Moi, je ne l'ai jamais aimé, Kovalev. Il faisait un job. Il était fucking unidimensionnel. C'est vrai, mais c'était quand même un joueur qui était le fun d'avoir allé. Quand il se donnait. Quand t'étais chanceux, il tombait sa bonne game. Il y a Sylvain Hudon dans le chat qui veut savoir si on a peur que Terrien éteigne Radu. Non, non. Non, je pense pas. Ben non, parce que là, je pense que Bergeron... Pensez-vous que Radu va sortir Therrien? Ben, s'il sort, il sort. Ouais. Non, je pense pas que c'est lui qui va faire... Avez-vous la photo cette semaine de Radulov qui lit des tweets, puis il y a un gars qui demande qui est le plus laid entre toi et Ovi? Ben ouais. Le plus beau entre toi et Ovi. Sa face vaut 1000$. Juste avec sa patte dedans, là. Avec sa face pas dedans. Des fois, il y a des palettes, des fois, il y en a pas. Ben ouais, mais c'est un ça dépend quand il aimait ou pas. C'est ça. En tout cas, mais ça pourrait être un estibo que je paye chat. Mais hey, Radu, là, si mettons janvier, là. Il vaut pas de la merde? Non, il va bien, puis tu sais. Qu'est-ce qu'on fait? On y offre-tu un contrat de suite? Ben là, t'es mieux de. Parce que t'es encore là. Peut-être que lui voudra pas nécessairement négocier tout de suite aussi. Là, le joueur va dire, hey, garde, attends, fin de la saison. Ah, c'est sûr, mais peut-être. Plus, il est pas épais. Lui, il se magasine un contrat à long terme. Ah ouais, mais ah ben ouais, c'est sûr. C'est sûr, tu peux essayer si tu vois comment ça va puis tout. Ouais, tu peux essayer de le signer, ben, mais. C'est sûr s'il va bien, je pense que tu l'essayes. Là. Mais s'il va bien, puis le team va bien. Tu tâtes le pouls. Ouais, tu tâtes le pouls. Et voilà. t'as pas le choix. Tâtes le pouls, t'es win, fait qu'on commence sur le pool, là. Le pool. Ouais, les choix des poolers. Commence le pool. Choix des poolers. On va essayer de crier. Là, on a tous des papiers, là. Ouais, pour que vous puissiez lire. On a des belles fiches. Des belles fiches. Des comme ça, papiers. Fait que. Comment ça va être divisé? Fait que GF va nous parler des meilleurs attaquants, oui. Les meilleurs défenseurs, les meilleurs goalers à choisir, les recrues et les joueurs à ne pas choisir cette année. C'est ça, des joueurs à éviter. Fait que ça va être comme suit. Et là, je tiens à dire que les membres de la soirée du podcast se dégagent de tout commentaire de GF Mallette et de ses choix. C'est à vos propres risques et périls. À moins que vraiment c'est urgent et que vous avez besoin de vous exprimer, là, je l'accepte. Ça, moi, je vais chier sur tous tes choix. Oh. OK. Là... Dans le fond, ce que je vais dicter, c'est mes notes à moi quand je participe à un vrai pool de hockey. Okay? Moi, dans le fond, c'est une passion pour moi. J'aime bien ça. Fait que le pool de l'SDP, c'est pas un vrai pool? Ben oui, c'est un vrai pool. C'est juste que là, je dévoile mes notes. Fait que ceux qui participent à des pools avec moi, vous allez voir mes notes. Fait que on va savoir si vous êtes attentif ou pas. Mais habituellement, ouais, je finis toujours par les manuscrites en plus. Parce que ce qui est le fun dans certains pools de hockey, il y a toujours des poissons. Puis les poissons vont toujours faire les mêmes erreurs. Donc c'est comme ça. Je vous remercie pour mon PS4, pour mon Beats Pill, puis tous les beaux trucs que j'ai achetés au petit magasin à la prairie. Alors, comme suit. Hey, pourrais-tu une commandité? Mais là, t'es-tu en train de dire que toi, t'as fait de l'argent avec des pools? Toutes les pools. Ben oui, Chris, quand tu fais 1200$ là, en fin de l'été là, pour un pool de hockey, je pense que t'étais brillant. Là, t'es puis content de moi, ça, tu veux des pools de hockey à fin de l'été, toi. Ouais. Mais non, mais... tu prends un temps pour faire des pools de hockey sur gazon. Tu comprends? À la fin de la saison. Des pools de soccer, toi, tu fais pas. Peu importe. Du football. Alors, mettons au que je jouera au football. Bon. Ah ouais, vas-y, premier choix. OK. Premier choix. Au début, là, on s'entend que les joueurs que vous allez prendre au début, c'est sûr que c'est tous des gars qui vont produire. Mais là, ouais. les Crosby, tous ceux-là, on les connaît déjà. L'affaire, c'est que tu veux celui-là qui va produire plus dans le lot de ce que tu vas avoir mis dans le bloc. Mais il y en a un, là. C'est ce que tu peux espérer, mais c'est toujours vers la fin que ça va se corser. C'est là que tu découvres les bons points. Ben non, mais tu sais, il y a tout le temps des impondérables. Ouais. Là, si t'en as un qui se blesse. Je regarde ta liste. C'est-tu vraiment ton order of picking? Si, mettons, j'aurais des choix le à faire. C'est vraiment ton order of picking. Mais attends un peu. Moi, là, je regarde ça, là, ma lettre, puis ce que tu vois. Ça, là, c'est pas bon pour faire le podcast, le pool, la soirée du podcast. Parce que, je veux dire. C'est pour des poules, c'est pour tout le monde. C'est plus pour des poules comme genre joueur. C'est un pool à vie. C'est comme si tu lis, ou un pool que tu choisis, genre, puis le joueur est enlevé. Là. Tu peux pas le prendre. Lui. Ben, ça revient au même parce que dans le pool du podcast, il y a des choix à faire. Fait que dans le fond, c'est à vous d'écouter ce que je vais dire. Je vais-tu avoir raison, je vais-tu pas avoir raison. Là, JF va nous donner des informations sur les joueurs. Puis JF est reconnu pour dire de la merde. Fait que... C'est ça. Mais là aujourd'hui, je veux. C'est ça le show à soir. À soir, on est là pour faire de la merde. Après, on blasse ma lettre. Mais non, mais je vais essayer d'être poli parce que je prends ça au sérieux, le pool hockey. Il n'y a pas de l'argent. Mais prends ça au sérieux, puis commence à arrêter de l'interrompre. Leçon numéro un, dans un pool de hockey, le choix le plus difficile, c'est quand le gars choisit premier dans le pool. Mettons qu'on est 20, puis le gars, il a le premier choix. Je donne des conseils. C'est long, ton nom, tu fais juste expliquer. Ça va aller vite, laisse-moi aller. Alors, le premier choix est toujours difficile. Quel choix vous devriez vous faire? Là est la question. Selon moi, le premier choix, le joueur à considérer, OK, là, je vais être poli parce que je vais dire des affaires sérieuses, là. Ne prenez pas Malkin parce qu'il est fait en peau de pénis. Fait que c'est sûr que ce gars-là, il sera pas dans votre premier choix. Si vous le faites, aïe aïe. Donc, moi, j'irais comme premier choix avec Patrick Kane. Patrick Kane a gagné le meilleur marqueur l'année passée. Patrick Kane. Ce gars-là, il est en feu. Okay? 294 points en 250 games. Je suis d'accord qu'il ferait partie de mon top choix, moi, tout par exemple. OK. Le deuxième, J'irais avec Crosby. Beaucoup de monde dit ah, Crosby est peut-être fragile. Crosby, là, ça fait peut-être 2-3 ans là, qu'il manque rarement des games. Puis l'année passée, il avait commencé slow. Ils ont collé le coach dehors. Sullivan a embarqué. 44 points dans les 33 derniers games. Fait que je pense que Crosby est redevenu ce qu'il était. Puis en plus de ça, c'est un joueur qui est beaucoup plus complet parce que dans les playoffs, il a fait une hostie de bonne job. Fait que Crosby, là, c'est un excellent choix. Là, le joueur. Mais tu te bases juste 33 dernières games. Je trouve pas. Je donne des notes de même. Non, non, fait que fais... Il y a des notes. Moi, je parlerais. Quelqu'un mais t'as mis Patrick Kane, t'as même pas mis Evander Kane. Il est-tu en prison lui là ou... On sait pas encore, mais j'ai des nouvelles sur lui un peu plus tard. L'autre joueur que je pense qu'il va être à considérer vraiment dans dans vos premiers choix. Ben moi je le switcherais ton troisième joueur. Je le switcherais pas, mais j'hésiterais entre lui et mettons t'es Jamie Benn. T'es pas obligé de suivre ma liste. Hey! Okay. Ton numéro 8 là, est bien trop bas. Voulez-vous le laisser aller? Là? Man, pour de vrai, tu c'est un grand choix, tabarnak! Non, mais c'est pour ça que si t'arrêterais de marmonner comme une petite fille, je pourrais finir. Ok. L'autre choix que je pense qui est à considérer je pense qu'on très tôt. On va le laisser aller puis on va revenir sur ces choix après. Faites-vous des notes si vous avez besoin de crayon. C'est pour ça que je vous ai sorti une feuille que j'ai imprimée avec mon temps précieux. Ben non, ça va aller super vite. Ben laissez-les parler quand même. Si tu m'en tout le temps, je finirai jamais. Ok. Là, je suis rendu au choix numéro 3. Désolé si c'est long. Il y a des gens qui sont fatigués ici. Connor McDavid, ok, oui, c'est vrai, il est jeune. Ce gars-là, là, s'il n'aurait pas été blessé, il aurait fait 87 points l'année passée, puis c'est sa saison. Ah, mais ça, c'est ça, là. Laisse-moi parler, Dave. Oh, tu c'est de l'extrapolation. Regarde, moi, c'est mes notes, ok? Moi, j'ai gagné de l'argent avec ça, ok? Je fais de l'argent avec des pots, c'est comme un salaire non déclaré que je fais à toutes les années. On salue ouais, tout on va tout. T'envoyer le fisc. Ça fait 16 Wilson ans que je fais des pots de hockey, puis ça fait 16 ans que j'ai. C'est comme si je retirais de l'impôt, esti, à chaque continue fois. Continue, Jim. Oui, mais là, je t'écoute, là, puis j'ai le temps d'aller me chercher une bière. Si tu veux. Va chercher une bière, puis Jim va continuer, okay. Puis il va être rendu numéro 4. Alors, Connor McDavid, un choix à considérer la très haut. C'est sûr et certain que si vous choisissez un premier, puis que le gars est disponible en 10e, sautez dessus, allez-y. Alors ensuite, c'est sûr et certain qu'on voyait avec le duo de Dallas, Jamie Benn, Tyler Seguin, peu importe l'ordre, je pense que c'est deux gars qui vont produire au-dessus de 80 points. C'est les deux gars-là. C'est... Exact. La seule chose qu'il faut faire attention, je mettrai un astérix à Jamie Benn. Le gars, il va commencer le camp d'entraînement blessé. Fait que, est-ce qu'il va être prêt? Il a été remplacé pour Team Canada. J'attendrai d'avoir de ces nouvelles, mais Tyler Seguin, c'est un gars de 35 à 40 buts. C'est 90 points chaque, c'est une valeur sûre. Puis Tyler Seguin, c'est un gars qui se blesse rarement. Il n'est pas mis scoreur longtemps. Oh, ouais. Bon choix. Ensuite, un gars que tout le monde m'a dit, ouais, déjà, Johnny Gaudreau. Hey, Johnny Gaudreau, là, depuis qu'il a commencé la NHL, là, il a fait 142 points en 159 games. Le gars, là, il a 21 ans. OK? Il a eu une augmentation de 14 points dans sa deuxième année, où tout le monde dit, oh, gang de deuxième année. Je considère ça un choix très intéressant dans le top 10. Ensuite, je dirais avec Joe Pavelski. Joe Pavelski s'est rendu le top gun des Sharks de San Jose. Le gars, il est en feu. Depuis le lockout, là, c'est le meilleur scoreur, le gars qui marque des buts. Derrière Stamkos et Ovechkin. Fait que Joe Pavelski, c'est plus un gars que tu prends dans le bottom 20. Là. C'est un gars que tu prends dans ton top 10 tout de suite. Ensuite, on va y aller avec Ovi. Ovi, c'est sûr que c'est une valeur sûre. Ce gars-là ne fera pas nécessairement toujours 80 points, mais il est toujours, mettons, 77, 78 points par année. Fait que Ovechkin, un gars à considérer très haut. Tabarnak, j'ai le temps d'aller faire caca. T'es rendu à Ovechkin, man. Ben oui, je compte. C'est 8e. Ça va bien, Dave. 50 choix en deux. Vladimir Tarasenko, c'est sûr et certain que ce gars-là, 77 points l'an passé, il va avoir un rôle plus important parce que, dans le fond, c'est un des attaquants qui va être le plus utilisé avec Ken Hitchcock. John Tavares a eu une moitié de saison l'année passée qui était très décevante, mais là, dans les 34 derniers games, il a fait 36 points. Fait que je pense qu'il redevient le John Tavares qu'on connaît. Fait que c'est un gars de 80-85 points. Niklas Backstrom de Washington joue avec Ovechkin. Alors, c'est sûr et certain que si Ovechkin marque, Backstrom a une passe à considérer très vite. Claude Giroux, il était à chier l'année passée avec 77 points, mais c'est pas un gars de 77 points. Fait qu'il devrait retrouver genre son rythme l'année prochaine, surtout que les jeunes Flyers commencent à être de plus en plus meilleurs sur la glace. Ils ont-tu un bon goaler cette année, Flyers, ou c'est encore n'importe quoi? C'est encore Mason puis un autre crotte de nez. Ouais, ils comprennent pas, eux autres. Hein, ah, les Flyers, là. C'est de valeur parce que leur DG, c'est un ancien gardien. Ouais, mais c'est Ron Extall. C'est ça. Ça compte. Est-ce qu'on peut considérer comme un gardien? Il sait plus des volées qu'arrêter des pucks, là. On s'entend-tu là-dessus? C'est pour ça que lui, en a-tu pété des petits VHS avec des petits bâtons? Lui, il a pété des bâtons dans la face de du monde aussi. Aussi. Peut-être pas, là, mais. Proche. Alors, tantôt, il était le fun d'avoir joué. Ah, il était le fun en crise. Il faisait n'importe quoi. Ouais. Tantôt, j'ai dit de faire attention à Malkin, mais c'est sûr que si Malkin devient disponible, mettons, en deuxième ronde, sautez dessus parce que le gars, s'il joue 60 games, c'est clair qu'il va faire à peu près 1,5 points par match. Alors, je comprends pourquoi tu gagnes de l'argent à tes pots. Ben, merci, Malkin Alex. Disponible en deuxième ronde, c'est impossible dans un pool. Ben, généralement, il y a du monde qui font attention. Ton pool, il fuck. Ben, non. Ben, moi, que t'as un pool de deux personnes. Je te garantis une chose. Tu prends Malkin comme premier choix, là, sur le top 5, là, c'est clair que tu perds. Ce gars-là, là, il manque toujours 20 à 30 games par année. Oui, il produit, mais Chris, il est tout le temps blessé. Et toi, tu vas avoir un gars qui va te faire 80 points au minimum, pas un gars qui va t'en donner 60. À considérer le nombre de matchs joués, mon Alex. Ensuite, j'irai avec le... Je sais pas pourquoi répondre. Si je suis honnête, genre, ouais, OK, man. Après ça, j'irai avec un partner, sa ligne de Patrick Kane, Artemi Panarin, 77 points l'année passée comme saison recrue dans NHL. Oui, c'est vrai qu'il était un petit peu plus vieux, mais je pense que ce gars-là, il a le talent qui sort par le casse. Fait que moi, j'irai avec ce gars-là. Il sort par les narines, le talent. Bon, il sort par quel casse? Ça, il sort par les narines. Un autre joueur que je serais certain que personne voilà. Ici probablement ne connaissait ou connaissait un petit peu. Tu me dis pour qui, Carlis? Evgeny Kuznetsov. Tabarnak, t'es-tu capable de leur dire, celle-là? Kuznetsov. Evgeny Kuznetsov. Kuznetsov. Hey, ce gars-là, là, il joue sa deuxième ligne des Capitals de Washington, 77 points l'année passée. Il a quasiment le même nombre de points qu'Ovechkin. Ce jeune-là, il est incroyable, je te dis. Il a boosté ses points de 40 points entre sa première saison et la saison suivante. Je vous le dis. En plus, c'est sa dernière année de contrat. Fait que le gars va vouloir être payé au maximum. Alors, à considérer très haut. Steven Stamkos, ben c'est oui, plus oui. Un gars de 80 points, c'est un gars de 70 points, 75 points maintenant. Oui, c'est vrai, il va en marquer des buts, mais il y a tellement de profondeur à Tampa Bay que je pense que Stamkos, il n'aura pas tous les points qu'il avait avant. Le deuxième trou va faire son nombre de points, puis lui va faire les siennes, mais Steven Stamkos, il est 16e sur ma liste. Ensuite, j'irai avec le joueur de centre qui va jouer sa ligne de Gaudreau, Sean Monahan, c'est un gars de 30 buts, 30 passes l'année passée et je crois qu'il va produire encore plus parce que là, il commence à devenir de plus en plus un vétéran. Nikita Kucherov, en feu depuis qui est... J'ai manqué un mot dans ma phrase. Il est en feu depuis qu'il est dans NHL, ce gars-là. Il produit, puis je vous garantis, c'est un des meilleurs alliés de NHL à l'heure actuelle dans l'Est. Alors moi, je le considérais ce joueur-là. Alex, je gagne des poules de hockey. Alexandre est un petit peu déçu de ce que je dis, mais je m'en fous. Non, il y a des notes, c'est parfait. Alors, Nikita Kucherov, à considérer, la seule affaire qu'il faut faire attention à Kucherov, il n'a pas signé de contrat encore, alors faites attention, s'il ne signe pas de contrat puis il fait la grève. Ça vient à Montréal, là. Ben non, il n'y en a pas moins. Ben là, tu gagnes des poules de hockey, mais il joue avec du monde qui n'écoute pas le hockey. Ben non, il y a du monde, j'espère qu'il écoute le hockey. Chris, ça coûte 100$ en paquet dans le pot. Si tu participes à un pot qui coûte 100$ puis tu n'écoutes pas le hockey, garde ton argent, c'est pivot danseuse. Alors, Ryan Getzlaff. Ou paye le super une fille, là. Ouais, genre, une bouteille de verre à 100$, c'est-tu au vieux bord. Tu gardes le bouchon. Vous êtes malade. Hey, avancez. OK, Ryan Getzlaff. Faut bien attendre qu'on n'en parlera pas, man. Non, mais c'est une liste de 50 attaquants. Tu nous disais que tu voulais pas qu'on vienne. Ouais. Regarde, je vais cracher. Il avait dit qu'il avait quelques défenseurs. Coupé, c'est 50. 12 gardiens. Ça va aller plus vite après. Clash, c'est ça. Clash attaquants, là. Ryan Getzlaff. Le premier centre à Anaheim. Blake Wheeler a considéré. Ce gars-là, il est nommé capitaine avec les Jets de Winnipeg. C'est un gars de 70 points par année. Blake Wheeler, 19e. Blake Wheeler. Alexander Barkov. Si le monde le savent, ce n'est pas un Russe, c'est un Finnois. Ce gars-là, c'est le centre numéro 1 des Panthers et c'est un excellent joueur. Un petit ce gars-là, Finnois. Il va éclore cette année. Puis il a commencé à éclore l'année passée. J'ai pas dit que c'était un Finnois. Savez-vous de où ce qui vient. Finnois. De où ce qui vient, Barkov, pour vrai? Non. J'ai la réponse ici. Et sa bonne réponse est on s'en calisse. C'est carrément ça. À peu près. Alors. Je l'ai oublié de le passer tantôt, je l'ai le faire pour quelque chose d'autre. Putain. Corey Perry, 21e choix. Perry, c'est plus un gars de 40 buts, c'est un gars de 30 buts. Barkov. Dude, il a été dans le top score l'année passée et tout, Corey Perry, pendant un bout. Mais non, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Ok. Faut pas que tu cherches juste les buts, faut checker les points. Philip Forsberg, deux bonnes premières saisons dans NHL, vont continuer à produire à un bon rythme. C'est un gars qui va frôler les 70 points. Mark Scheifele, c'est le centre numéro 1 maintenant avec les Jets de Winnipeg. C'est leur Galchenyuk. Mais je te dis, ce gars-là, il est incroyable. Il va faire au moins 65 points cette année. C'est comme Galchenyuk. À retenir, Mark Scheifele. Prenez ça en note, soulignez. Il est pas prêt. C'est son année, il est pas prêt, mais là, il est pas prêt. Ben, l'année passée, il a fait 60 points, fait que c'est sûr qu'il est prêt. Là. Pardon. Ben oui. T'étais où? Joe Thornton, c'est un. Je suis pas Winnipeg. Je check pas Mark Scheifele. Joe Thornton, un gars qui, malgré sa vieillesse, continue à produire à son rythme. Il fait tout le temps des passes. Fait que, whatever. Andy Kopitar. Il fait tout le temps des passes, c'est sûr. C'est tout ce qu'il sait faire. Alors, Andy Kopitar, bon. Ce gars-là, prenez-les pas trop haut. C'est un gars de 70 points par année. C'est un two-way attaquant. Ça, c'est vrai, ça. C'est comme un Jonathan Tate. J'ai placé Kopitar et Tate ensemble parce que je pense que les deux, c'est deux joueurs qui se ressemblent. Et puis, c'est deux joueurs qui vont produire à peu près autour de 60 points cette année. Jack Eichel, je le considère déjà dans mon top 27. Jack Eichel va être en très grande possession. Puis, ça se peut qu'il devienne centre numéro 1 à Buffalo aussi. Jaden Schwartz, qui est le meilleur attaquant des Blues après Tarasenko, c'est un gars de 30 buts, alors à considérer très haut dans vos choix. David Krejci, malgré qu'il y a une équipe de mal, finit toujours par faire 60 à 70 points. C'est un joueur qui est très sous-estimé, puis c'est un des meilleurs attaquants productifs chez les Blues de Boston. Il y avait Sylvain Hudon, je suis dans le chat, qui disait hey, « comment ça, il n'y a aucun joueur du CH à date? » Ben là, c'était ton joueur du CH, qui est rendu 31e. Max Pacioretty, 30e. Malgré le fait qu'il joue comme une graine puis qu'il est mou comme la marde, il compte 30 buts pareil. Vraiment, le Pacioretty hater. Là. Ben non, mais c'est parce que je répétais ce que Gilbert Delorme, qui est supposé mon expert, je l'ai, je pense, dit. En plus, ça, quelque part. C'est sûr que t'as ça. C'est une équipe qui est molle. Pacioretty, c'est mou comme de la marde. Non, non, mais c'est vrai. Jeff l'a cru. Puis malgré le fait que Pacioretty est mou, ben c'est un gars qui fait marqué, 60 points. Just t'as pas marqué 30 buts par année dans les trois dernières saisons, malgré son incontinence. Non, c'est son inconstance. Moi, j'ai un gars qui est dingue. Jonathan Huberdeau, ce gars-là est à considérer vraiment dans votre top 30. C'est un gars qui est en éclosion et il va devenir un joueur très productif. Moi, j'ai toujours considéré ce joueur-là comme un genre de Zetterberg. Alors, Huberdeau a retenu. Jeff, il reste une minute. Matt Duchesne, ça va aller vite, les gars. Matt Duchesne, première saison de 30 buts, Roy n'est plus là, les rumeurs sont mortes, il va rester au Colorado à considérer, d'après moi, le meilleur marqueur des Colorado. Logan Couture, meilleur marqueur d'un playoff à considérer dans un haut choix, c'est un gars qui a un potentiel de 30 buts, 60 points. Ryan O'Reilly, monsieur fonce c'était Martin avec son char, ce gars-là a fait 68 points l'année passée, qui c'est qui l'a pris dans son pool? Pas beaucoup de monde. I did. Alors, à considérer. Mais attention, parce que lui, il est centre numéro 1 présentement, mais Eichel pourrait prendre sa place. Alors, ça va être un partage de points entre les deux cas. Carl Turris, le premier joueur des centres, pour ceux qui sont fans, j'en doute, sera le centre numéro 1, fait que c'est un gars de 60 points. Puis, il va peut-être rebondir grâce à Guy Boucher. J'achève, les gars, j'achève. Trop tard. Non, bon. C'est voilà. Terminé, merci. Ça va vite. Là. Je trouve que je suis sur une lancée. Taylor Hall, pour ceux qui ne le savent pas, n'a jamais marqué plus de 28 buts en carrière. Puis là, il va jouer au New Jersey. J'espère que vous écrivez au New Jersey. Mais comment ça, il est dans ton top 50? Il fera pas 80 points, mais je pense que c'est un gars qui peut facilement faire Taylor 60 Hall, points. Je le prendrai à peu près dans le même nombre de production. Taylor Hall, il joue au New Jersey. Mais si tu le prends pas, puis il est disponible 36e, je vais le prendre. Oh, non. Fait que dans le fond, écoutez son top 25, puis le reste, vous en colissez. Ouais. Mark Stone, un des meilleurs ailiers droits de la NHL. C'est un gars de 30 buts. Je le prendrai pas juste points. Par principe. Mark Stone, je le prendrai. Braden Chen, un gars des Flyers de Philadelphie, ce gars-là va peut-être jouer à l'aile sur le trio de Claude Giroux. Je le considère 38e. Ryan Johansson, maintenant il est à Nashville, il va jouer avec Forsberg et James Neal. Lui, je le considère aussi. Puis d'après moi, il va faire beaucoup plus de points que l'année passée. L'année passée, il a fait une cinquantaine de points. Cette année, je pense qu'il pourrait facilement dépasser le cap des 60. Alex Galchenyuk, dernière année de contrat. Et ce gars-là, je vous le garantis, il va encore mieux produire. Il va être centre numéro 1 à Montréal encore. Puis je vous le dis, il va dépasser le cap des 60 points. Il est prêt, ça fait longtemps. Non, Jeff Carter, longtemps. Qui est, attention, blessé, mais c'est un gars de 60 points. C'est un des centres qui va toujours te scorer 30 buts aussi avec les Kings de Los Angeles. Mike Hoffman, 56 buts en 2 ans. Il a 24 ans, c'est sûr qu'il va continuer à aller. Puis on n'oublie pas que Guy Boucher aussi, il a tendance à pousser les joueurs à leur meilleur potentiel. Phil Kessel, qui a une saison de marde avec 59 points l'année passée, pourrait être peut-être un peu productif parce que là, il voit à Pittsburgh comment jouer. Il faudrait juste qu'il démarre la saison rien que c'est une gosse puis il serait bien correct. Ah ouais, il va être plus léger. Tyler Johnson, centre numéro 2 des Lightning de Tampa Bay, il joue avec Kucherov et Palade. Fait que c'est sûr que Johnson va produire. Il y a une saison de marne, mais d'après moi, il pourrait rebondir ouais, avec c'était plus juste de 50 année, points. Ça, Nathan McKinnon, ne prenez pas Nathan McKinnon dans un haut choix. Nathan McKinnon, c'est un gars de 60 points. Il va avoir un nouvel entraîneur, mais je pense qu'il cherche encore. Troisième année de cette année, d'après moi, il va faire 60 points, mais c'est jamais un gars qui va finir dans le top 5 dans NHL. Pas pour tout de suite, en tout cas. Peut-être jamais. Tyler Toffoli, tout le monde ne sait pas qui est Tyler Toffoli, ce n'est pas une nouille, c'est un marqueur de 30 buts qui joue pour les Kings de Los Angeles et il a 24 ans, c'est 58 points. C'est un gars qui produit à Montréal, on aimerait savoir des gars de même. James Neal joue sa première ligne avec les Nashville de Predators et puis il va jouer avec Forsberg et Johansson. C'est un gars qui va faire les points, il ne fera pas les points qu'il faisait à Pittsburgh, mais il va faire facilement au moins 55 points cette année. Carl Palmieri, le monde dit, c'est qui ça, Calis? C'est un gars qui a compté au-dessus de 30 buts, qui était prêt à amener à Montréal. Benjamin, il a dit, pas besoin de toi, il a scoré 30 buts avec les Devils, tabarnak. Les Devils, la pire attaque de la NHL, il a scoré 30 buts. À ouais, considérer, il va jouer sa première ligne. Il est bon. Non, physiquement. Jonathan Drouin, je le considère dans un haut choix. Si ce gars-là est disponible vers la fin de votre pool, prenez Jonathan Drouin, il va jouer sa ligne de Stamkos et il va devenir productif. Pourquoi il va tu prendrais à la fin? Roll the dice. Ben, tu prendras pas Drouin au début parce que ouais, le monde, tu sais qu'ils prendront pas c'est Drouin, pas pantoute. Fait que tu le prends à la fin. C'est la meilleure année. C'est les derniers attaquants que tu prends dans ton pool qui vont faire gagner steal. Ton pool. Ça pourrait être un steal. Si tu, c'est un steal si tu le prends à la fin. Mais oui, il n'y a non, personne qui va prendre ça dans le top 10. Jacob Voracek, ce gars-là a signé un contrat de 8,25 millions parce qu'il a connu une saison de 80 points. Il était à chier l'année passée. Il va être encore à chier cette année. C'est un hostie de russe. On s'en calisse. Il fera pas 80 points. Il va en faire peut-être 58. Alors, je vais terminer aussi avec une petite parenthèse. Le centre numéro 1 des Devils du New Jersey va être Adam Henrik. Wow. Il n'y a personne qui va prendre Adam Henrik dans vos pots, je vous le dis. Considérez ce gars-là, il va faire au-dessus de 55 points cette année, selon moi. Dans le chat, là, t'es oublié que les gens disent Brandon Chang, Jagr, il y en a qui disent Radulov, mais Radulov, selon moi, c'est pas une valeur sûre encore. On sait pas ce qu'il va donner. Non, parce que là, dans le fond, dans mes choix, ça arrêtait à peu près à 55 points. Oui, c'est vrai qu'il y a des joueurs à considérer, mais selon moi, ces joueurs-là vont être meilleurs que ceux que vous nommez. Ça, c'est mon opinion à moi. Ça va, t'es de la merde. Il y a aussi quelqu'un dans le chat qui a dit c'est long en crise son affaire. Puis, je suis assez d'accord avec ça. C'était long en tabarnak. Ça, long, les attaquants, c'était plus long, ça va être plus court par après. À vous des commentaires sur les choix. Y a-tu des choix que vous êtes surpris? Ça donne-tu vraiment quelque chose qu'on donne nos commentaires? Ben, moi, ça me dérange pas. C'est pour vous autres. Honnêtement, j'ai pas de commentaires. En fait, pour les autres sections, on va lire. Tout, moi, j'ai marqué, chat, je pense, tu peux les lire. Commenter. Ah non, je trouve que tu mets Ovi vraiment en bas. Huitième, là. Tarasenko et tout, je le mettrais plus haut. Mais Ovi en points, c'est parce que... Il rapporte tout le temps. Check, c'est la position des trois points. Il va donner combien de points, Ovi? C'est plus ça. Il va donner peut-être genre proche de 50 buts, mais en points... Mais huitième, tu prends Johnny Gaudreau avant Alexander Ovechkin. Ouais, ça, je trouve que c'est... Ouais. Non, ben c'est pas long. Connor McDavid, il a joué 10 games mais l'année passée. Tu sais. Ben Chris, il a fait au-dessus d'un point par match. Ah ouais, mais c'est une première année recrue. Dans la deuxième, ça. Tu sais pas comment ça va. Le prendrais-tu vraiment troisième? Moi, je prendrais Jamie Benn avant lui. Ben hein, ouais, c'est sûr. Steven Stamkos, l'a mis bas un peu. Claude Giroux avant. C'est encore là, la personne que genre, je veux dire... Tu sais, c'est des affaires comme Jake Eichel, it's risky. Je ne le prendrai pas en première ronde. C'est quand tu prends des risques que tu gagnes des pots. Ben, tu ne veux pas en prendre des risques avec Jonathan. Quelqu'un dans le chat qui dit Nugent Hopkins, le premier dans ton top. Ben, non, pour de vrai. Nugent Hopkins, on oublie ça tout de suite. Là. Pour de vrai, c'est ça, là. Ces gars-là, les gars d'Edmonton sont vraiment overrated. Ben oui. Parce que ça a été des premiers joueurs comme Taylor Hall, Nugent Hopkins, puis c'est qui l'autre, là? Je prendrais Adam Henrik. Tout le monde veut avec Galchenyuk. Demain matin. C'est qui que tout le monde veut avec Galchenyuk? Yakupov. That guy sucks. Pour de vrai, non. Lequel? Yakupov, c'est de la merde. Je voudrais jamais toucher à ça à Montréal. Amenez Yakupov, on va aller chercher Yakupov pour qu'ils jouent avec Galchenyuk. Ils vont revoir leurs belles années de junior. Ben oui. Hey, ça marche tellement quand les deux gars ensemble. Ah, hey, ouais. Scott Gomez, Brian Johnson ont gagné la coupe ensemble. Hey, ça a marché, ça. Scott Gomez, t'es bon dans le junior. Ça veut absolument rien dire dans la NHL. Le gars, il a compté quoi? 15 buts sa meilleure saison, Yakupov? Yeah, get the fuck out of here. D'ailleurs, Scott, G-Love Gomez a pris sa retraite. Ouais, ouais ben oui, c'est vrai. C'est bravo. Bien fait. G-Love. Il a fini avec combien de buts en 4 ans? 3 10. 3 buts en 4 ans. Non, mais gars, écoute, yeah, c'est sûr que tu as pris des 50 meilleurs attaquants dans la ligue et tu les as mis dans un autre que des fois, moi, je ferais pas la même mort que toi. Ouais, c'est sûr. C'est correct, ouais, c'est juste c'est des guides. Ben ouais, mais c'est ça le but. En même temps, défenseur, je vais te dire la même affaire. Ce qui est plate un peu là-dedans, c'est que je regarde la liste, puis c'est pas une mauvaise liste. C'est juste que l'ordre peut varier légèrement pour chaque personne, mais en tant que tel, j'ai-tu des commentaires? Pff, le seul commentaire que j'aurais, c'est ben ton ordre est peut-être pas le mien, mais il est peut-être pas loin non plus. J'ai des choix que je suis d'accord, d'autres que je suis moins. Mais tu vois, les défenseurs, il y en a 18, fait que ça va aller mieux, puis ça va être pas plus facile à suivre. Fait qu'on va aller that's faire, the bottom line! On va aller faire une entracte très rapide et on vous revient pour la deuxième période. On est de retour pour la deuxième période. It's on your pee-pee. Puis, tu sais, pour tout le monde là, qui vont chialer parce qu'on n'est plus sur YouTube Live, mais on diffuse live sur Facebook. « Ah, moi, j'ai pas Facebook. Je suis anticonformiste. Je veux pas être dans la masse. C'est de la merde. Et sa bonne réponse est « On s'en calisse. » Malheureusement, exactement. Ça va être ça. Fuck! Vous nous écouterez en différé. On fait un hors-série pour on a déjà eu plus de monde. Que toutes nos lives qu'on fait que toutes les lives qu'on a fait. C'est juste à nous écouter avant. Non, mais là, on voit clairement que le chat fonctionne beaucoup mieux. C'est que le monde sur YouTube, là, fait que... Fait que là, on a comme révisé le pacing parce que Jeff parle tout seul. Fait que on va changer la façon de faire. Là, on va y aller avec les meilleurs défenseurs. Fait que Jeff, t'as 18. Non, ses meilleurs défenseurs. Ses meilleurs défenseurs. J'en ai 20. T'en as 20, il y en a 18. Attention, c'est pas mes défenseurs, c'est les défenseurs qui vont produire le plus. Non, c'est ta liste à toi. C'est ça. C'est ceux qui vont faire le plus de points. Alors, le... Selon tout manette. Numéro uno, Eric Carlson. Deuxième, Brett Burns. Troisième, Chris Letang. Le quatrième, John Klingberg. Ensuite, Roman Josi. Il aussi. PK Subban. John Carlson. Huitième, pour ceux qui suivent, Olivier Ekman-Larsen. Neuvième, Shane Gustiberry. Gusty be here. Who cares? Mark Giordano. Shea Weber, 11e. Dustin Bufflin, numéro 12. Victor Enman, 13e. Drew Doughty, 14e. Duncan Keith, 15e. Ensuite, on y va avec des jeunes défenseurs. Seth Jones, 17e. Morgan Riley, 18e. Rasmus Ristolainen. Il joue pour les Sabres, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, là. Ensuite, on va y aller avec Aaron Ekblad et Justin Falk. Et ceux qui savent, qui suivent, vous savez dans quelle équipe ils jouent, j'imagine. Non? Oui. Alors, comments? Comments, c'est que, man, tu mets John Klingberg avant PK Subban, avant Drew Doughty, Victor, Duncan Keith. Victor Edmund, 13e. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de... Non, moi, je te dis des points, là. Qu'est-ce que tu penses de Klingberg, toi? It doesn't matter what you think! Puis hey, ton seul commentaire, c'est qu'il est sur le pépé avec Sega et Ben. So that's what I do. OK. What the fuck, man? Non, mais regarde. Moi, dans le fond, juste vous expliquer pourquoi j'ai mis Klingberg là-dessus. Là, OK? Ça se peut que Klingberg fasse autant de points que Josi ou Subban, peut-être un petit peu plus. Mais peut-être un petit peu plus. Peut-être un petit peu moins ou beaucoup moins, man. Regarde, c'est ton choix, ça. C'est correct. Je respecte ton choix, mon ami. C'est juste que Josi et Subban vont jouer sa même paire. Et puis, il va y avoir d'autres attaquants. Fait que je pense que leurs parts de points vont être partagées. Mais là, on parle de défenseurs qui vont faire au-dessus de 60 points. Drew fait que, Doughty, c'est très, très, lui, très, très fous. Bon. Mais Drew Doughty et Duncan Keith. Victor Hedman, 13e. C'est beau quand Duncan Keith, 15e. Regarde, parce que dans le fond, ce qui arrive avec ces gars-là, c'est que c'est des défenseurs qui vont faire une cinquantaine de points. Et là, je te parle de défenseurs qui vont faire au-dessus de 55 points de l'année. Non, non, mais je te dis pas que je les mettrais premier. Mais Drew Doughty, c'est pas un gars de 50 points. C'est un gars qui va faire entre 40 et 45 points par année, Doughty. Parce que Doughty, il est très bon défenseur. Il va produire à l'occasion. Ouais, mais il aussi a joué avec Weber, là, il joue avec Subban. Produire à l'occasion. Il va jouer avec Subban. Ben, c'est sûr qu'il va jouer avec Subban. Ouais, okay. La violette, c'est ça qu'il a dit. Bon, ok, il va jouer avec Subban. Fait que là, justement, ils vont les splitter les points, tu l'as dit. Donc peut-être que Subban, selon ton thinking, il va faire deux moins de points. Ben, c'est parce que dans le fond, les deux vont jouer ensemble. Fait que c'est pas nécessairement dire que les deux défenseurs vont avoir tout le temps les deux passes. Donc, ils vont faire moins de points. Mais t'es quand même mis genre 5 puis 6 c'est en deux, haut de dégâts. Ça, c'est 120 points les deux ensemble. Il y a aussi, c'est un def offensif, ça là. Non, Josi, c'est ton offensif. Il a fait plus de points que aussi, c'est ça que j'ai dit. Ouais, ok. Excuse, j'avais compris défensif. Non, offensif, mais Subban aussi. Tu vas mettre deux offensifs. Ils vont mettre deux offensifs ensemble. C'est la même ligne là-bas. Là. Ouais, mais c'est la violette. C'est un imbécile. C'est sûr qu'il va faire ça. Là. Check bien les wraparounds qui vont échapper à rondelle. Ben, et voilà. Rubber, il était plus safe. Fait que là, on va voir que ça va donner avec une tête folle puis un Josi. Ah, mais ça ne sera peut-être pas toute la saison. Anyway. On va voir. C'est toujours on des spéculations, tout ça. Connaissez-vous Shane Gusty Bear here? Honnêtement, non. Le Calder, nominé Calder, t'as dit? Oui, il était nommé au Calder. Il a 46 points, 64 games pour sa première année comme défenseur. C'est mais assez c'est... impressionnant. Ouais, la gang des deux ans. La fameuse avec game. Les Flyers. Si tu le verrais comment il joue, là, ouais, il est incroyable ce gars-là. Mais tu sais, tu l'as mis en premier. Je le prendrais vraiment points. Pas au-dessus des autres, man, qu'en non, bas, man. Non, je parlais de Dustin Bufflin. Que fais la mathématique, là, ça, que, comment il aurait fait de points en 82 games à sa saison recrue. C'est ça, c'est rien de spéculation, dude. Ben, c'est de même des pots de hockey, c'est toutes des mathématiques. Mais je le sais, mais il y a tellement d'impôts des rames. Une valeur vraiment sûre là-dedans, puis tu l'écris en plus, c'est le Lindstrom de cette génération. C'est Olivier Ekman-Larsen. Ça, là, c'est ta valeur sûre, man, en défense qui va t'amener un point par game. Dans un pool de hockey, si tu veux gagner, il faut que tu prennes des risques. Moi, je donne les risques mais au pourquoi monde. Je prendrais bien lui. T'es pas obligé de le prendre. On verra à la fin de l'année quelqu'un pousser. Je prendrais Ekman-Larsen avait bien des défenseurs parce qu'il m'amène un point sûr. Ouais, mais Ekman-Larsen, il joue avec les Coyotes. Les Coyotes, c'est pas une machine offensive. Honnêtement, ça prend juste une passe. C'est de la merde, ça, contre des buts. Ça veut dire qu'il va y faire des passes le gars, il va mettre dedans. Premièrement, ça dépend de où tu piques. Dans ton pool, ça dépend tellement d'affaires. Ben oui, je donne une liste. Selon vous, est-ce qu'il y a des défenseurs qui sont pas dans l'SAJF qu'on devrait considérer cette année? Ouais. Bon, tabarnak, moi, cher. Moi, je suis pas venu préparer, pas en doute comme lui. Là. Chris, Moi non plus. T'as-tu un défenseur, toi, que tu sais que. Andrei Markov. Un métronome, il va à 2 km/h toute la saison. Il va être prêt au mois d'octobre. Toutes les top choice sont là-dedans. Goddesberry, Goddesberry, je pense que c'était vraiment. Comme les attaquants, t'allais ça bon, shaky ben, c'est bon. Ton ordre est peut-être à Morgan Rielly. Ton ordre est discutable, à même titre que si je te donnais, moi, mon ordre, tu dirais c'est discutable, selon toi. Exact. On peut passer au goaler, d'abord. Ouais, passe au goaler. C'est correct. Si ton numéro 1, c'est pas Price. Non, c'est pas Price. Dans le fond, avec les goalers, c'est pas compliqué. Tu y vas avec le nom de cinquième. Mais c'est parce que Corey Crawford avant Price. Fucking yeah, man. Martin Jones. Okay. Là, c'est dans le fond, la manière que tu calcules les points dans un pot, c'est le nombre de victoires. Okay? Fait que le Canadien de Montréal seront-ils le meilleur club que Chicago? Là est la question et la raison pourquoi j'ai placé Corey Crawford au-dessus de Price. Alors, pour mon premier choix, ça serait Brandon Oldby. Jonathan Quick. Martin Jones. Okay. Les Kings finissent 8e, man. Des fois, des années, ils n'ont pas plus de victoires, man. Pourquoi qu'il est 2e à ton coup? Tu viens me dire c'est victoire, ça marche pas. C'est des goalers qui jouent au-dessus de 60 games par année. Il n'y a pas plus de victoires. Brodeur, il faisait 40 victoires parce qu'il goalait 80 games sur 82. Alors, moi, c'est pas 8e, man. Je vais considérer un goaler qui va jouer au-dessus de 60 games. Si le goaler joue 70 games, c'est clair qu'il va te le donner ton 35 victoires. Ensuite, Corey Crawford, Carey Price, Pekka Rinne. Ensuite, John Gibson, 7e. Jake Allen, 8e. Roberto Luongo, Ben Bishop, Corey Schneider. Et je termine avec Henrik Lundqvist. C'est quoi tes rumeurs de Ben Bishop? Ouais, t'as des notes là-dessus. Parce là. Que moi, il me semble que je le verrais plus haut. Là. La raison que des rumeurs, c'est parce que Tampa Bay sont serrés au niveau de la masse salariale, puis Kucherov n'est pas signé. Puis la rumeur, c'est que le joueur qu'ils vont échanger, c'est Bishop, parce que c'est sa dernière année de contrat. Puis l'autre goaler qu'ils ont, Andrei Vasilevskiy, il a un potentiel. Il serait capable d'être numéro 1, dans le fond. Fait que Bishop serait la monnaie d'échange. Mais s'il l'échange dans un club à chier, il fera pas le nombre de points. Jamais dit ça. J'ai juste dit que je m'en colissais de ce gars-là. Là, fait que Bishop, l'affaire, c'est que si tu le prends puis tu penses qu'il va jouer avec Tampa Bay toute l'année, si tu l'échanges, mettons, dans une équipe comme, je sais pas, moi, je donne un exemple, Edmonton. Là. Ben, il me semble que ça se tenait avec Mart là, par rapport à. Ouais, vas-y. That's it, c'est ça. Si Bishop s'est changé dans un club qui est pas aussi fort que le Lightning, faites attention pour le nombre de points. Fait que moi, c'est un facteur que je considère. Ok, ouais, c'est bon. Ouais, y a-tu d'autres choses? Non. Y a-tu des goalers que j'ai pas nommés qui auraient dû être là? Ben, moi, Price, ben c'était quasiment à moitié de la Ligue nationale ben ouais, là-dedans. Là. Ils ont tout un goaler partant. Ils devraient en avoir une 10, 12, 15 qui vont être dans le top. Ouais, puis d'après moi, des goalers qui pourraient être des belles surprises. Là. John Gibson va être maintenant rendu numéro 1 à Anaheim parce que Frédéric Anderson est échangé à Toronto. Et si, bon, lui, Frédéric Anderson, là, il est pas sorti de l'auberge. Non, puis il a été signé à long terme, je pense 3-4 ans. Il est blessé. Jake Allen. Surtout blessé, c'est quoi? Non, il est blessé. Il s'est blessé à l'entraînement à la Coupe du Monde. Gibson? Non, Anderson. Ah. Anderson, non. Tant pis pour lui. Investi. Jake Allen, mais il va numéro 1 maintenant avec les Blues. Brian Elliott a été échangé aux Flames de Calgary. Fait qu'il va avoir la job à lui tout seul. He's not that good. Puis Corey Schneider. Tu penses-tu que Roberto Luongo va être genre dans le top encore? Ouais, les Panthers. Les Panthers sont les forts. Panthers en sont Chris, forts là. Mais là, les Panthers, on va voir. C'est la deuxième année, genre d'une coupe de recrues. Là, on va voir. Apparemment, le nouveau la DG. Gang des deux ans. Ouais, comme tu dis. Mais tantôt, j'ai lu un article cette semaine. Ça a l'air que le nouveau DG avait comme mandat de se fier à des stats Corsi pour bâtir son équipe cet été. Calice. Fait qu'on va voir cette année si les Panthers vont finir premier de leur division comme l'année passée ou pas. Mais Luongo, les Panthers, pour moi, c'est un bon team dans l'Est. Là. Fait Corsi, ça doit être bon pour 30, un c'est 30, points, c'est 30 victoires, au moins, au minimum. Là. Ben, Corsi, c'est bon pour le monde qui ne connaisse pas le hockey. Corsi, c'est bon pour un pool. Ben, quand t'as pas d'argument, c'est ça. Techniquement, c'est pour un pool, sinon Lars Eller serait dans ton top. Non, mais le Corsi, si ça marcherait, tu prendrais ça, puis tu gagnerais à tous les coups, les pools de hockey. Corsi, c'est bon pour un pool. C'est bon pour les pools. Si tu écoutes le Corsi, check le Corsi, c'est bon pour le pool. Tu vas gagner ton pool. Il l'a dit, prends-le. C'est aussi efficace que le clout là, sur Twitter. Ça. Il est bon. Ah, ouais, oublie ça. vas-y que t'es recrues à surveiller, Jeff, d'abord. Les recrues à surveiller, c'est pas compris c'est dans assez, le fond. C'est le top 3 du repêchage. Ben, c'est souvent ça qui arrive parce que c'est souvent des gars qui sont NHL ready. Austin Matthews qui va peut-être jouer sa première ou sa deuxième. Il faut faire attention à les recrues, c'est des gars qui vont peut-être t'amener 40 points, puis s'ils sont vraiment bons, 50 points. Là. Patrick Lane, ça a l'air que c'est un Timo Selänne, alors à Winnipeg, non, il pourrait c'est produire. C'est facile à dire, là, si, il vient de la même place que lui. C'est juste pour ça qu'il dit ça. Non, ça, j'ai vu des tapes. Honnêtement, il aurait pas été choisi premier. Moi, là, j'aurais Patrick pris lui Laney, premier. Ah ouais? Ouais. J'aurais été recruteur, mais j'aurais pris Patrick Laine en premier. C'est-tu Laine ou Len? C'est Laine. Laine? Ben, ils disent Laine. Ouais. Alors, Laine avec les Jets, c'est drôle parce que Timo Selänne, il a commencé avec les Jets aussi. Fait que c'est comme une renaissance. Selänne avait commencé avec les Jets. 75 buts une année. Jesse, c'était pas recul. Je sais pas, mais je sais qu'il était. Non, peut-être Jesse, pour lui, j'arrive, t'en as beaucoup parlé dans notre épisode de repêchage là, de lui. Ben, d'après moi, les Oilers, ils ont comme fait what the fuck, ce gars-là est encore disponible. Puis c'est un autre gars qui est style un Laney. Il est encore là, les tatas l'ont comparé à Timo Selanne. Mais d'après moi, ce gars-là, avec les Oilers, va aller dans le top 6. Yakupov va encore downgrader. Il est dans les RH des attaquants à Edmonton. D'un défenseur, un gars à surveiller, c'est Zach Berensky avec les Blue Jackets. 14 points en 17 games dans les playoffs dans la Ligue américaine. Ce gars-là va percer le top 4 des défenseurs avec les Blue Jackets. Fait que c'est un défenseur à surveiller. Puis Mitchell Marner, hey, 116 points en 57 games, est-ce dans le club dans le junior, je pense. Là. 116 points en 57 games. Ouais, mais dans le junior, ça veut rien dire. Les goalers, c'est des passes. Il a un talent incroyable. Puis dans NHL, il est prêt. On voit ce que ça va donner. C'est un gars qui est comparé à Johnny Gaudreau. C'est un petit attaquant qui est extrêmement talentueux. Là, d'après moi, Badcock, il va sûrement pouvoir dire bon, ben les jeunes, let's go. Esti, c'est vous autres qui mènent le bar. C'est Mathieu Dash a une saison de Zambouin dans le junior. Pour vrai? On le salue, il nous écoute sûrement. Mathieu Darche. Dans le junior, il y a plein de joueurs qui font des saisons de fou. Là. Ça veut pas dire qu'ils vont être. Waouh! Ça veut rien dire. Le junior, c'est. Puis, tu sais, honnêtement, là, moi. Même dans la Ligue américaine, c'est 14 points à 17 games. Moi, les Leafs cette année, là, je les vois. Les Leafs? Les Leafs. Je les vois encore dans la garde. Dans la dèche, puis genre, ils vont chercher. C'est pas à cause d'un joueur, mais. Ils vont chercher, man. Ben oui. Ils vont chercher. C'est pas à cause. Ça va faire. Pour moi, Austin Matthews, là, ça va faire la même affaire que Jack Eichel l'année passée. Tu sais, genre. Les gens, Jack Eichel l'année passée, 48 points. Il était pas mauvais, mais tu sais, je veux dire. C'est pas ton sauveur. Les Sabres vont finir combien-tième? 13, 14, pays, j'imagine. Bon, ils ont fini avant Montréal. Ouais, mais parce que Montréal a été dégueulasse, là, mais ça, c'est une autre histoire. Non, c'est pas moi, ils ont fini en arrière de Montréal, je veux dire. En arrière, en avant. C'est parce qu'en avant, dans le repêchage, dans le fond. Il y a une raison pourquoi que le Hall of Fame est à Toronto. C'est la seule place que les seules façons que les Leafs vont pouvoir voir la coupe d'approche, c'est là. Ouais. Ils ont également le bar Wayne Gretzky que je suis allé cet été, puis je comprends pas pourquoi c'est à Toronto, à part que c'est parce que le Hall of Fame est pas loin. Je pense qu'il vient d'être là. C'est un Ontarien, mais je sais pas s'il vient de Toronto. C'est cool, son bar. C'est une belle petite place. Dedans, t'as toutes les affaires de Gretzky, fait que rien des livres. Mark, il a lu des parties de la. Ouais, il y avait une bio qu'il avait trouvée dans sa bibliothèque hantée. Ouais. La bibliothèque hantée. Il m'a conté des affaires, c'est hot, en Chris, fucked up, man. Mais sauf que c'est super soft. Là. Ah, il reste encore du temps à la période, vas-y que tes joueurs évités de JF, fait qu'en troisième, on pourra rejaser le Canadien en général. On va reprendre le contrôle du show un peu, fait que. Ouais. Joueurs à éviter. OK, ne prenez pas ces joueurs-là selon JF. Selon JF. Ben, ça, c'est évident. Moi, j'en ai d'autres des joueurs à éviter. Ouais, attention, tu vas pas nommer un gars qui va faire 20 points dans l'année. Là. Ça, ben, non, des tops là, que tu prends pas dans tes premiers. OK, mais vas-y, JF, on va en rajouter après. Eric Staal, OK, ce gars-là a même pas fait 40 points l'année passée. Fait que fuck him. Il fait des high-fives au ref. Il est fini, là, ce gars-là. Il a régressé. Marianne Gaboré, qu'est-ce qu'il y a un autre calice qui est fait en. Ouais, si y a une année en forme, par exemple, peut payer. Oublie ça, c'est fini, Gaboré, c'est fini. Ouais, il y a déjà eu là, 2 ans, il y a eu son année en forme, il est payé. Ben, si t'as un pool de 100 joueurs à sélectionner, tu peux peut-être le considérer 101e. Non, mais c'est ça. Ça peut être ton Dennis Wineman, c'est plus un défenseur de 40 points, 50 points. Le gars, il est dégueulasse. Il frappe des arbitres. Il a 33 ans, 19 points l'année passée. Excusez-moi. Yeri Hudler, tout le monde dit. Sous-estimé. Yuri Hudler, il a signé la dernière minute avec Dallas. Il régresse depuis 3 ans. Il est mauvais. Mike Camilleri. Hey, savez-vous ça? Qui prendrait ça dans son pool? Vraiment pas connaître. Parce là. Que c'est, des fois, les gens qui sont pas habitués de faire des pools vont prendre des noms qui leur semblent familiers. C'est là qu'il faut faire attention. Vous êtes épais. Mike Camilleri, savez-vous que depuis les 6 dernières années, Camilleri a même pas fait 50 points et plus? Ben, ça me surprend pas. Il régresse. Ça me surprend pas du tout. Ouais, mais Mark Streit, qui est plus le même depuis que sa blessure au pénis, n'est plus sur la première vague sur le power play. Ce gars-là, il vieillit, puis écoute. Fracture du pubis. Ouais, c'était ça qu'il y avait eu. C'était ça. Puis Evander Kane, que même moi, j'avoue que c'est un joueur que je voyais un très gros potentiel. Il est en prison, je pense, Evander Kane. C'est fini, écoute. Il a menacé une fille dans un bar. Il se promène en jogging dans les allées d'épicerie. Ça, là, tu l'as rajouté. Je l'ai rajouté, Evander Kane, parce que. Tenez-vous loin de ce gars. Il y aurait les sit-ins que j'ajouterais là-dedans. Ah ouais. Moi, je les prendrais pas. En tout cas, pour. Ils ont quel âge? C'est 35 ans. Pas juste ça, 108 ans. L'année passée, je pense qu'il y en a un qui a fait genre. 11 buts en, en 3 saisons, en fait, en même 2 saisons. Ouais, ce qu'il y a là qui pote, puis l'autre fait des passes. Ah, ça, c'est... Il y a notre envoyé... Zach Parisé, là, sérieusement, il est décevant en crise avec Van Eck, il est tout le temps blessé. Fuck all, man. Il va te donner 30 buts, mais il va te faire 20 passes. En tout cas, je veux dire, je le mettrais loin dans mes choix, là. Il y a notre... Tu sais, moi, tu vois, Taylor Hall, là, moi, avec les Devils... Je le prendrai même. Moi, je le prendrai. Ouais. Touch him, on va voir dans le fond. Frederick Anderson avec les Leafs. Jean-François veut dire quelque chose. C'est pas moi qui veux parler. En fait, c'est notre envoyé spécial de l'Ouest, Nick Chalifoux. Il dit touchez pas à Rick Nash. L'année passée, il était bon. Hein? Ils essaient de l'échanger. Il était bon pendant un mois. Après ça, Rick Nash, c'est tout le temps. Mais c'est bon, après tu le prends, tu l'échanges. C'est tout le temps incertain. Les Rangers veulent l'échanger. Cédine, 1980, leur naissance. Chris, on est 34 ans. Non, 36. C'est sur le bord de la retraite. Ils vont prendre leur retraite ensemble, sûrement. Éric Saint-Louis dit Dion Phaneuf, effectivement. Là. Il finit, ce gars-là. Bon, c'est un gars qui devrait pointer. Il est avec les sénateurs. Comme plus, Jonathan Bernier, comme t'es goleux, prends les pauvres. Il connaît même pas Mandela. Ben non, Bernier va être deuxième goleux à Anaheim. Je prendrais Mandela dans mon pool avant Jonathan Bernier. Plus de chance, il va juste motiver le monde assis sur le banc. Puis ça va marcher dans ton pool. Probablement. Mais bon, des motivateurs. Alors, c'est ça. Puis aussi, une autre affaire à mentionner, des conseils pour le pool de hockey. Quand vous avez un pool de hockey... Là, ça prend le jingle. Les conseils de Mallette. Ding, ding, ding. Marc, écoute, je vais juste... C'est tout ce que j'ai. Dans un pool de hockey, si vous avez des attaquants, des défenseurs que vous prenez, puis je vous suggère fortement de prendre des défenseurs assez tôt dans le pool de hockey, parce qu'un défenseur qui va faire 50 à 60 points, c'est beaucoup plus payant qu'un défenseur qui va faire 30 à 40 points, fait à considérer, tandis que beaucoup d'attaquants qui vont faire 70 points, beaucoup d'attaquants qui vont faire 60 points. J'ai pas compris ton premier. Tu sais quoi? J'ai dit de prendre des défenseurs assez tôt dans le pool. Pas nécessairement premier ou deuxième, mais tu sais, mettons troisième, quatrième, cinquième, sixième. Tout le monde dans un pool où tu choisis un joueur puis qu'il est à toi, là, pas personne d'autre peut le prendre. Là. Je veux dire, les attaquants vont partir quand même en premier. Parce que justement. 100 et 60 points. À moins que tu sois dans ton pool, tu sois genre 10. Là. Non, mais des pools de 20. C'est sûr que plus que 10, je veux dire, ou genre 20, là, un petit gros pool. Là, oui, peut-être que tu vas sortir des défenseurs plus vite, là, mais un pool de 10, je veux dire, tout le monde va prendre. Puis peut-être pendant deux rondes, le monde va prendre des attaquants. Là, parce que des joueurs qui vont te donner 100 puis genre 70 points. C'est ça, mais c'est que t'en as un qui pique un défenseur ou un goaler, puis tout le monde est comme « Oh shit! » Bon move! Ben c'est ça, fait que là, dans le fond, c'est quand... Ça, c'est un vrai pool. Là, tu regardes le gars, puis là, finalement, tu fais comme « Chris, c'est malade. » Puis à la fin, « Ah, t'es malade, il récolte. » Il a pris Gottesberger. C'est quoi son nom? Gottesberger? Ce gars-là, s'il est... Gottesberger, chien de... disponible, quand ça rendait à moi de choisir, là. Hey, si j'étais en 4e, 5e ronde, puis ce défenseur est encore disponible, là, je vais peut-être pas le prendre dessus, mais à un moment donné, je vais le prendre à la fin parce que personne ne sait si. 4e, 5e ronde, juste le défenseur. non, mais écoute le commentaire, comment ça fait genre aucun sens. C'est juste des belles paroles. Si j'arrive en 4e, 5e ronde, puis il est encore disponible, je vais peut-être pas le prendre tout de suite, mais je vais le prendre vers la fin. C'est ça, parce que dans le fond, personne. Je sais que le gars vaut. Fait que tu le prendras pas en 4e, 5e ronde. Même en 4e, 5e ronde, il le prend pas, man. Il est encore disponible, mais je vais pas le prendre peut-être à la fin. Fait que Jeff, donne-donc les nouveaux règlements du pool. C'est comme du vent, genre, là. C'est fou. Les nouveaux règlements du pool, pour les attaquants, c'est pas compliqué. Un point, un but, une passe, ça c'est un point et tout. Ok, ça c'est. Pour rendre ça un peu plus facile. C'est notre pool, marqueur.com, LSDP. Les défenseurs, là. Un but, c'est deux points. Fait que. Ça va juste vous aider à vous casser la tête un petit peu pour choisir vos défenseurs. Ouais, sauf que tu sais, je veux dire, t'as pas mis des défenseurs avec des attaquants. Non, c'est juste des cases de défenseurs. Ben, c'est ça. Mais je te donne un exemple. Mettons, là, t'as le choix entre, mettons, je sors ma liste de défenseurs. Gottesberger. Ben Roethlisberger. OK. Va le prendre, moi. Mettons, là, que t'aurais le choix entre Brent Burns et John Carlson. Tu prends qui? Brent Burns. Ouais. Il va compter 20 buts par année. Juste sa barbe. Tu vois? Même que... Non, il score plus que Carlson. Qui tu prendrais entre Subban et Weber? Weber, je pense. Weber, valeur plus sûre. 20 buts, 40 points. Subban, 5 buts, 10 points. Ouais, l'année passée, mais Subban a déjà donné plus oh, de non, non, ça, ouais, c'est ça. Mais... Je pense que Weber va quand même donner. On a eu une crise de saison de marde aussi l'année passée. Ouais, non, mais je veux dire, tu peux pas te fier juste à la saison passée. Il va jouer avec lui aussi, il va y faire les belles passes. J'en ai un conseil pour un pool. Fiez-vous pas juste à la saison passée. Ouais, aussi. Je veux dire, c'est regardez 2-3 ans en arrière. C'est loin d'être ça, 2-3 ans en arrière, puis même encore là, je veux dire, tu regardes Crosby. Crosby, tu l'as mis dans tes premiers. Puis c'est drôle, mais dans les dernières années, ça n'a pas été un déclin. Top, il est sur le déclin. Non, il est pas sur le déclin, est-ce que Chris? Il est 80 points plus par année. Mais non, mais il a été blessé et tout le kit. Mais ça vois, fait plus de 3 ans qu'il était pas blessé. Écoute-moi donc, je peux-tu donner mon point avant que tu m'ostines? Puis non, que je il veux gagne dire... des pots, lui. Mais oui, mais Chris, il m'ostine, puis je m'en vais dire. On n'a aucune preuve de ce que je dis, hein? C'est que c'est juste des oui-dis. Je l'aurais mis, moi aussi, dans mes premiers, dans mon top. C'est ça que je voulais dire. Tu vois, puis tu m'ostines avant même que je te le dise. Tu disais qu'il était en déclin, tu partais dans le sens négatif. Mais oui, mais justement, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux pas te fier juste aux... Tu peux pas te fier juste à genre l'année passée. Il y a bien du monde qui font les erreurs. Des fois, quand tu pognes des Fernando Pizzani là, qui score What the fuck takes that guy? Quand les Oilers se sont... Dans quel asti de pou? Non, mais tu sais que l'année que les Oilers se sont rendus à la finale de la Coupe contre les Hurricanes, Fernando Pizzani, c'est un des meilleurs marqueurs des Oilers. Tout le monde l'a pris dans le pool l'année d'après. Il s'est dit, tu t'en fais un bluff, il était coeurant. Chris, oui, c'est un gars qui est mauvais. C'est ça tes règlements? Il fait chaud en Chris. Ouais, mais il manque des règlements. Non, c'est ça. Le règlement qui a changé, surtout, c'est les points pour les défenseurs au niveau des buts. Les goalers, c'est pareil. Les goalers, c'est pareil. Sauf que les blanchages, c'est 3 points supplémentaires. Donc, si un goaler gagne et fait un blanchage, c'est 5 points. Ça, c'est beau. C'est point 5 points? Ouais. 5 points, ouais, c'est payant. Oh, shit. C'était le même avant. C'est hot, ça. L'autre point aussi que j'ai rajouté un peu plus pour les buts, c'est que si un joueur fait un taux de chapeau, c'est 2 points supplémentaires. Fait que mettons que t'as compté 3 buts, tu fais 2 points de plus parce qu'un taux de chapeau, ça fait 5 points. Ça, mon gars, ça va être genre de la loc, là, à la limite. Ah, oh, c'est ça. Ben, c'est un petit peu ça aussi, là. T'as pas, c'est de la loc. Ouais, mais c'est un petit bonus. C'est un bonus, c'est ça. Parce que t'as pas, genre, dans une saison, asti, un joueur qui va te compter, genre, 8 hat-tricks, là. C'est quoi le max 4? Ben, ça peut arriver, Tyler Seguin, c'est un gars qui va faire au-dessus de 5 hat-tricks dans l'année, fait que c'est à considérer. Ouais, ça dépend encore. Ben, au-dessus. Ça dépend de chaque saison, ça. Ben, tu sais, mettons Ovechkin. Y a-tu une moyenne? Ok. Est-ce que Tyler Seguin, depuis le début de sa carrière, a une moyenne de 5 hat-tricks par saison? Je pense pas. Oui, je l'avais dans mon pot pendant 3 ans de temps. Puis il y a une moyenne de 5 hat-tricks par saison? Je serais curieux de voir ça. Hey, Chris, le gars, il va arriver des fois sur les deux. Tu comprends pas mon point. Non, je comprends. Non, mais c'est à peu près la mathématique. Si un goaler fait un but, c'est 5 points en bonus. Ouais, si un goaler fait une passe, j'aimerais 100 points en bonus. C'est logique. Qu'il y ait des points pour les goalers. Les passes pour un goaler, c'est une passe. Les équipes, que, je ne sais pas si tellement l'année passée, mais c'est une équipe par en prolongation, ça vous donne quand même un point. Fait qu'on va aller vraiment avec les vrais points dans le classement général à ce moment-là. Puis 2 points pour une victoire normale, comme dans les matchs. C'est pareil comme une game de la NHL. Fait que ça va être ça. Il y a 33 rondes. Fait qu'abonnez-vous, le lien va être sur notre Facebook. Abonnez-vous, rideau vert. Je vais vous donner l'accès rapide aussi sur Facebook là, pour que vous puissiez avoir accès au profil. C'est LSDP encore. Ouais, marqueur.com, puis dans accès rapide, vous cherchez LSDP en haut, puis vous allez tomber sur notre LSDP, pool. C'est LSDP 2016. Ouais, faites attention, il y a les anciennes versions qui sont encore là. Fait qu'inscrivez-vous, c'est la bonne année. Ça va aider pour. Ben, l'accès rapide, si je peux le donner. On peut pas les effacer. On peut les mettre des activités. On regarde tout en dos, mais on va pas avoir un courriel à l'autre. Mais là, on va mettre le lien vers le bon pot direct. C'est ça. Puis l'accès rapide, c'est 1986, 1996, 2016, 2017. Ça, c'est le code d'accès rapide. Ah. Parce que pour avoir accès au pot, pour trouver le bon pot, il faut que tu rentres le code accès rapide. Fait que c'est ça le code. C'est LSDP 2016, 2017. 1986, 1993. 26, 26, 27. Tout était pris, si je voulais prendre des affaires bien normales, tout était pris. Qu'est-ce ça a pris fucking une demi-heure de trouver un accès rapide. On va vous donner. C'est pas LSDP. Lien. Non, accès rapide, c'est pour que tu trouves le pot plus rapidement. C'est comme le cas. Si vous faites LSDP, ça a été l'autre année d'avant. C'est ça qu'on voit les autres années d'avant. Fait que, pas grave. T'aurais pu mettre LSDP genre 16. Ben non, tu ne prendras pas le pot l'année passée, il est fini. On va aller arranger ça nous-mêmes. C'est bon, viens avec le. J'ai bien fait ça. On va s'arranger. Je sais, j'ai bien fait ça. C'est malgré, j'ai fait ça aujourd'hui. Anyway, on va vous donner le lien tantôt sur notre Facebook. Vous vous inscrirez là-dessus. Vous avez un mois pour vous inscrire au pot. On va tout arranger ça. Marqueur.com, LSDP, saison 2016-2017. C'est ça que vous allez bien chercher. Puis une autre affaire aussi qui peut vous aider à faire des pots, site guide, c'est Daily Face-Off. Ça explique les alignements à chaque game. Fait que j'ai je eu peur que ce que tu dis là. Je pensais qu'il allait aller sur 25 Stanley. Fait qu'on va en faire une entraque et puis on revient la troisième période. On va reprendre le contrôle du show. On va jouer un peu plus de hockey. C'est bon. On est de retour pour la troisième période. Et c'est temps de faire le tour de la Ligue nationale. Around the NHL. Ben, pas vraiment le tour de la Ligue nationale, mais on va aujourd'hui de ce qui se passe en ce moment parce qu'on a pas de sujet. On pensait faire le pool 3 périodes, on l'a fait en deux. Fait que parlons des affaires qui se sont passées la dernière semaine. Patrick Roy, ouais. Dehors du Colorado, êtes-vous surpris? Ben, il s'est quitté, il a démissionné. Ben, il est parti du Colorado, ouais, je crois. Ben, tu vois qu'il était pas content. Je pense que Joe Sakic, il s'entendait plus avec. Hein? Les chums, ils ont arrêté de s'aimer. Je pense qu'il était pas assez impliqué dans le team. Non, mais ça commence. Il était trop impliqué. Non, mais ouais, mais il voulait, tu sais, ça, il voulait comme être. Presque DG, le monde n'est pas d'accord avec lui, peut-être. Ouais. Ouais, mais hey, man, sérieux, là. C'est une petite. Ben, sérieux, ça là. Fait Madonna. Roy, là, c'était tout un joueur, mais ça doit pas être quelqu'un qui est facile nécessairement à côtoyer quand il te gère, man. Ouais. Sérieux, là. Ben, il y a des joueurs qui l'ont mis, Radulov, le bien aimé. Ouais, mais ça dépend de Radu. Chacun, man. Radu. Ça dépend comment tu performes. Radu performait. Il va pas commencer à blaster son meilleur joueur. Mais je pense que c'est plus une divergence d'opinion avec Joe Sakic, puis qu'il avait. Il n'était pas d'accord avec le choix au repêchage ou un échange qu'il a fait. Puis, ben, il y a l'autre affaire avec Tyson Barry là, qui a pas signé le contrat. Roy, il disait que c'était même pas un bon défenseur, puis tout ça. Puis finalement, ils l'ont signé à long terme. Ouais. Puis Matt Duchesne, Roy, il voulait qu'il crisse son camp. Là. Ouais, je pense que c'est ça. Puis tu sais, lui, il a toujours voulu être DG, right? Il voulait pas être coach au début. Et aussi, il voulait avoir le pouvoir. Il veut être coach, mais avec décision de hockey. Ben, il veut avoir la décision de hockey, comme qu'il y avait avec les Remparts. Ben, ça là, la mal, le Roy Patrick. Là. Je ne sais pas c'est quoi le nom de le nouveau coach. C'est pas un gars qui est bien connu. C'est un gars qui vient de la AHL. Il était... Le club école de l'Avalanche? Non, il vient du club école. Je ne veux pas m'avancer. C'est les Leafs ou les Blues ou Nashville ou une affaire la même. Il y a François Lachapelle Ouellette dans le chat qui veut avoir nos prédictions pour la Coupe du Monde. Oh! Canada all the way. Canada tout le temps, là. malgré ce que 25 Stanley dit. Qu'est-ce qu'il a dit, 25 Stanley? Ben, que Canada n'était pas dans leur top, là. Mais qu'est-ce qu'ils connaissent au hockey, eux autres, ils parlent juste de plot. Tu sais que les gars, ils sortent, puis ils montent des appartements. Mais dans le fond, Peux-tu voir l'appartement de Souban? C'est juste super paradis, man. Dans le top 3, là, pensez-vous que les jeunes de 23 ans et moins vont faire le top 3? Finir dans notre groupe, ça serait. Ben, Canada pour vrai, tout le temps dans le top, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est ça, mais les mettons jeunes de 23 ans, ils vont. De quoi ça va avoir de l'air? Mettons une game Team Canada contre ces jeunes-là, ça va-tu être une volée? Ça va-tu être serré? Je suis curieux de voir ce club-là. Ça devrait être serré. Moi, je pense que ça va être serré. Ouais, juste ça le même. Ils vont être meilleurs que les States. Il n'y a pas une équipe, ça se peut-tu qu'il y ait une équipe, c'est le reste de l'Europe, genre? Ouais, l'Europe. T'as l'Europe, ben oui, ben parce que. L'Europe t'as contre t'as la Russie. T'as comme des réfugiés. Parce que ça serait complètement niaiseux de mettre, genre. Il y a des équipes qui peuvent mettre, genre, là-dedans. Là, il n'y a pas assez de joueurs bons pour. Dans le fond, tu vas avoir la Suède, tu vas avoir la Finlande, tu vas avoir la République tchèque, la Slovaquie, la Russie, puis tu vas peut-être avoir the rest of the fucking world, là, genre Lars Eller. Le Japon. Ouais, c'est ça, tu sais. Le Japon. La Chine, ça vient hot au hockey, là. Y en a-tu un chinois dans NHL à part Richard Park? Richard Park, c'est-tu un vrai chinois? J'avais une carte pro-7 de lui. C'est-tu un vrai chinois ou genre. C'est un chinois américanisé. Ouais, c'est ça. Il y a comme un parent américain et un parent chinois. Probablement. Mais il y a un chinois qui a été repêché cette année. Ou c'est l'année d'avant. Il y en a un joueur. Jin Yosang? Ouais, lui, c'est un vrai chinois. Il vient de la Chine. Un vrai chino. Ching Chong. El chino. Si, ouais. El chino. Ouais, mais El Chino, c'est chinois en espagnol, il n'y a rien de méchant là-dedans. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Non, mais c'est le mec, on passe beaucoup de temps là, sur. Ouais, bah, il y en a un. Sur El Chino. Mais non, c'est ça. Dans le mais fond, tout ce que je souhaite, c'est que Price ne blesse pas, s'il vous plaît. Ouais, puis je peux-tu juste. Ouais, pas peur de ça. Non, mais je pense que Price, ça va être un beau test. Mais c'est un excellent test, ouais. Mais ça va être de fun pour ça, je pense. Parce que, l'autre affaire, je ne suis pas sûr, Redoula, fais-tu partie de Team Russia? Je pense pas. Je sais pas, sérieux. Bonne question. Si je l'ai pas, ça me surprendrait. Pour puis on peut-tu dire que Sportsnet, c'est des caves de ne pas mettre Weber sur le top 6 des défenseurs Team Canada? Ça a l'air qu'il va être le réserviste. Chris, ils l'ont mis assistant, gang d'imbéciles. Ouais, mais là, si tu attends, là. Mais oui. Ah, attends, là. C'est sa première paire, Weber. Là. Il a pas de Weber. Ben, j'ai pas obligé d'être sa première. Mais attends un peu, là. On a un hostie de club, là. Tu peux mettre à peu près n'importe quel défenseur sa première paire. Mais c'est vrai, ouais, Darley va jouer à gauche, puis Weber à droite. Ça risque d'être fortement. Ça va être ça, ce qui c'est va sûr. Arriver, là, mais après ça, Beaumister va jouer avec Pietrangeli. Mais tiens, en même temps, t'as-tu une première paire, puis une deuxième paire? C'est toutes des premières paires. C'est comme une équipe de t'as les meilleurs joueurs au monde, 20 minutes chaque. Puis au Canada, t'as les meilleurs joueurs du Canada, man. Puis on s'entend-tu qu'au Canada, on produit quand même des crises de bons joueurs. Fait que tu sais, je veux dire, chaque paire de défenseurs est une première paire dans n'importe quelle équipe de la Ligue nationale et même dans une équipe de All-Star. Ben oui, puis carrément. Tes deux, trois premiers trios de ton équipe, c'est des premiers trios à n'importe quel moment. Évidemment. Là. Fait que tu sais, je veux dire, si t'as pas... Si t'as pas vraiment de premier trio, première paire, tu sais, je veux dire, t'as des paires puis t'as des trios. C'est ça. Puis à la limite, tu vas les interchanger, même à la limite. Pour de vrai, même la troisième paire puis le quatrième trio, c'est des premiers trios. Ben oui. Fait que ça a pas, regarde. Mais Radulov, fait pas partie de l'équipe. Ouais, mais je me dis, genre, t'as checké? Dans un 10 millilitres. Ça, je faisais sur mon cellulaire pour les spectateurs. Néro, je suis pas en train de jouer à Boom Beach. Donc, on comprend maintenant. Il y a Sylvain Hudon qui dit que Richard Park vient de Corée du Sud. Fait que c'est même pas un chinois. Ah, ben voilà, on se trompe tout. Mais ça ressemble tout. Corée du Sud, c'est dans le même bout. Puis il y a. Hein? C'est pas dans le même bout. L'Asie, là. Le Canada, puis les États-Unis, c'est dans le même bout. Puis c'est pas pareil, là. L'Asie, c'est un Asiatique. C'est de raciste. Nick, tu chauffes mal. Nick a une bonne question. Ouais, Nick Chalifoux qui a une bonne question. Il veut savoir si. Est-ce que c'est la dernière année de Pacheco si il sort en tant que capitaine? Non, comme capitaine. Ben non, c'est sûr que la morale, ils vont sortir. Ça va tellement foutre la merde. Tu peux pas. Tu peux pas changer. Politiquement, là, à Montréal, là, ça marchera ça pas. Ça ferait beaucoup de merde. Tu le trades. Tu le trades, il marche pas. Ouais, tu le trades. Mais à cause qu'il marche pas comme capitaine. Qu'est-ce que tu le trading? Non, non. Tu gardes juste capitaine, puis le match change. Il marche pas comme capitaine, on le saura pas. Tu gagnes ça sur le trading, block, la tête du bio. C'est comme joueur, tu sais. En premier, avec la hache. Le capitaine, c'est quoi qui va parler avec l'arbitre, là? Puis devant la TV. Parce que dans la chambre, même si ce serait chez Weber, il va pas marcher. Pacheco cette année, ça va être sa glace. Si marche pas sur la glace cette année, il y a un problème gros. Parce qu'il était avec Weber, puis t'es avec une gang beaucoup plus sérieuse que l'année passée qui chialait que genre Subban fait le clown, puis c'est pas sérieux. Chris, monte ton col roulé toi aussi, là, puis score cette année, Pacheco, parce que moi je pense que c'est sa dernière année s'il produit pas cette année avec le Canadien. Toi, tu penses que cette année, si ça marche pas, ben Pacheco. On va voir, il peut très bien produire et être super bon, puis il a toujours produit. Il a toujours bien produit. J'ai trouvé qu'il était mou comme d'abord, pareil l'année passée. Pacheco, il n'y a pas eu de camp d'entraînement. Il n'y a pas eu de camp d'entraînement. Pacheco, l'année passée, il était blessé au genou, puis il a commencé à pratiquer genre une semaine avant le début de la saison. Ça paraît en crise pour un joueur quand tu manques un camp d'entraînement. T'es deux mois en retard, c'est les autres. Ouais. Quand t'es un vétéran, puis ça paraît il a réussi à faire 60 points, mais là, on va voir cette année. Moi, je pense qu'il va jouer avec Galchenyuk pratiquement presque toute l'année. En même temps, je veux dire, Chris Pacioretty, c'est pas comme s'il venait d'arriver. Là. Je veux dire, il connaît la game. Vétéran. Là, même si tu manques le camp d'entraînement quand t'es un vétéran. Non, quand tu connais la game, faut que tu retrouves le beat. Là, ouais, mais ça prend pas deux mois. Mais quand t'es blessé, Chris, il faut que tu retrouves ton synchronisme. C'est pas évident. Pour de vrai, je pense même s'il y aurait une saison de 20 buts ou 25 buts, il sera pas échangé. Faudrait vraiment que ça aille vraiment mal pour qu'on l'échange. Ça va dépendre de bien les faut facteurs. Pour que l'offre soit hallucinante pour qu'on l'échange. Bon, hallucinante. Bon, un gars de 30 points. On aura pas salaire. Un gars de 30 points qui est placé 30e à la fin de ta liste. Je pense pas que ça marchera de même. Ça sera pas super gros hallucinant. Il coûte pas cher aussi, 4,5 pour un gars qui compte 30 buts, c'est une aubaine. Ouais, mais on va-tu avoir quelque chose qui va. Tu veux échanger Pacheco contre Rick Nash? Fuck that. Non. Il y a François Lachapelle Wallet qui demande si Radulov, on le re-signe-tu à la fin d'année à cause de l'expansion. Est-ce qu'on risque de le perdre avec l'expansion? Oh non. Ça, juste pour ça, non. C'est pas une assez bonne raison. Faut vraiment qu'il soit produise, bon. Ça dépend s'il produit vraiment. Pour moi, tu veux jouer dans la NHL et que t'es non, mais s'il produit, tu vas le protéger de façon. La norme, c'est 25 buts minimum. Mettons un gars qui 25 buts minimum, c'est en compte 22, c'est pas bon? Non. Non, je suis pas d'accord. Moi, je voyais juste l'attitude et son comportement. Une vingtaine de buts dans le top 20. Plus que ça. En haut de 20 buts, 40-45 points, je pense. Dans le top 6, une saison correcte. Bon, on leur signe. Ça dépend. À ce prix-là, je laisse finir l'année. On a d'autres jeunes qui s'en viennent puis tout. À ce prix-là, à ce compte-là. Il y a un salaire à considérer aussi. À ce pointage-là, je le laisse finir l'année, je leur signe pas. Je verrai avec, je négocierai. Mais s'ils me donnent une tabarnak de saison puis on parle de genre 60 points en montant. Ah, si tu fais 40 buts, je vais peut-être commencer à y parler un petit peu avant la fin de la saison. Ouais, ben, moi, c'est 25 buts minimum. Avec qui que vous le metteriez, vous, Radulov? Avec Plekanec ou. Mais non, c'est Pacioretty, Galchenyuk, Radulov. Ouais, moi aussi, j'ai peur que Terrien le mette avec Plekanec. Je sais pas si c'est moi cette année, mais je trouve qu'il n'y a aucun ailier qui fait. Mais non, il va le mettre les deux Russes. Non, je pense qu'il va mettre Plekanec avec. La mafia russe sur une ligne. Plekanec avec Gallagher, puis. L'ailier gauche, je sais pas qui qu'on pourrait mettre. Daniel Carr. Quand c'est ton deuxième trio, on va avoir deux nains, man. On n'a rien, esti, à gauche, à part. Ben, Andrew Shaw, mais tu sais, Andrew Shaw, il joue à droite. Ah, oh, mais il est capable de jouer. Ouais, mais tu joues. Tu peux pas jouer deux pièces en même temps. Mais tu vas mettre Andrew Shaw, quoi, sur ton troisième trio? Ben, moi, je le ben, vois. Quoi là, qu'il verrait. Ça va être là. Tu peux pas jouer deux pièces. Tu peux-tu jouer deux pièces en même temps? Oui. Tu déranges dans la crise à jouer deux pièces. Quand il y a des blessés, t'as pas le choix de faire jouer un gars sur deux trios en même temps. Dans le fond, il alterne. Puis Shaw, je pense qu'on va l'aimer. Il va aller se mettre dans le trafic. Bon, en série, c'est, t'as raison. J'ai hâte de le voir contre des grosses gangs contre Boston, Toronto. Ouais, c'est là qu'il va être genre intéressant. J'ai hâte qu'il pète la gueule à Chris Neal. Qui a fait ça? C'est pas moi. C'est moi. Pour Radulov, Nick Chalifou, il dit 6,5 par année à 45 points. Fuck that, ça marche pas. Il a bien raison. Là, c'est 5,75. Comment ça, tu sais le contrat de Radulov l'année prochaine, toi déjà? C'est... Ah, ok, je pense qu'il parle de cette année. Non, il parle pour re-signer. S'il fait 45 points et il demande 6,5, il dit oui, ça, c'est. On... Ou qu'il va chercher son 6,5. Ben là, s'il a pris 5,5, techniquement, il va demander plus que ce qu'il y a là pour re-signer avec le Canadien. Ouais, ah, mais. Je sais que ça, les left wing, là. Il était payé un peu demander plus, il produit pas à la hauteur. Non, mais là, on va voir. Là, c'est... Philippe Dano, Daniel Cole, on cherchait Paul des alliés droits, là, pas si longtemps, puis là, on a juste des alliés droits, man. On n'a jamais trouvé des liens droits. On a Max Pacioretty. À droite, là. Hein? On avait une crise de lacune à droite. Ouais, mais là, les gars, on a juste des droits à gauche aussi. On a Max Pacioretty, Philippe Dano, Daniel Cole, Paul Philippe Byron, Dino. Lucas Lessio. That's ah, mais attends, là, il y a des jeunes aussi là, qui vont venir dans le camp d'entraînement. Ah, mais au pire, tu collisses un centre, genre, mettons, Heller. Ah, il est plus là. Je voulais le dire. OK. Mais, je voulais juste dire qu'Heller était plus là. Tu mettrais-tu une recrue, genre, sur le top 6? Parce que là, il y a Martin Rewai qui va être là. Pour de vrai, je regarde ça, puis on n'aura pas le choix. Ça va être un jeune. Ce ne sera pas Philippe Dano. Ben, Philippe Dano, tu mets sa troisième, quatrième ligne. C'est ça. Ça sera pas Lucas Lessio. Ben non. Daniel Carr, pas mal petit. Ça va être quelqu'un qu'on n'a pas être jeune quoi monter ou quelque chose de même. Ben, Martin Rewai ou peut-être Arturi Lekanyan. Non, parce que, ouais, Rewai, ouais, peut-être. André Ghetto, il est droitier. Ouais, mais c'est ça. Ça va être peut-être quelqu'un qui va être interchangé. Il y a tout Radulov qui a dit qu'il pourrait jouer à gauche. Ouais, il a joué toute sa vie à droite. Je sais, mais il a dit qu'il était prêt mais à jouer à gauche. Ça, c'est typical terrien. Tu joues à quelle position à droite? Parfait, je te crisse à gauche. Non, mais à un moment donné, c'est un allié, là. OK, c'est possible. Ben, s'il a joué tout le temps à droite, puis... Quand tu regardes de même, tu sais, pour de vrai, là, ça ferait un peu de sens. Parce que là, t'aurais Pacioretty, Galchenyuk, Gallagher. Après ça, là, t'aurais une pièce à la première ligne, right? Après ça, t'aurais Plekanec, Radulov à gauche, Shaw à droite. Je vois pas Plekanec jouer avec Shaw, sti. Plekanec, je le vois avec personne. Okay, même pas la tour. Vous avez c'est correct que vous l'ayez ici, mais c'est un gars stadé pendant la saison. Ah, c'est mais c'est parce que je verrais plus Gallagher que Plekanec. C'est un très bon joueur, Plekanec. Les deux, ils fitent bien. Ouais, mais c'est parce que moi, je parle de joueurs qui fitent ensemble. Non, mais tu peux pas Shaw sa première. Là. C'est Gallagher, c'est Rémi, il va jouer ben son Chummy Chummy. Tu peux pas mettre Shaw sa première. Ben non, je mettrais sa première. C'est qui ton allié droit? C'est qui ton allié droit? Pacioretty, Galchenyuk, puis Radu, là, moi, je voudrais jouer ça de même. Ok, mais là, t'as encore le problème. T'as un problème à l'aile gauche. On verra dans le camp d'entraînement non, qu'est-ce non, qu'il va faire. Non, tu peux pas mettre une recrue. Mais on verra le camp. Si tu mets qui sur ta ligne 2. Ouais. Sur la ligne 2, je vois Plekanec, Gallagher, puis là, un spot disponible mais à ça revient au même à ce qu'on te dit. Si tu mets, moi, si ma ligne tu, est plus balancée. Si tu mets Galchenyuk, Radulov, puis Pacioretty, t'as ton premier trio. C'est un astuce bon premier trio. Ouais. Ton deuxième trio, c'est Jean Plekanec, puis Gallagher, puis un autre qu'on sait pas encore. Ça revient au même, là. On verra bien. Il va brasser sa soupe. J'aime mieux avoir les deux premiers trios balancés. Allez, j'espère qu'il va brasser. Qui ont vraiment un power offensif. Que mettre tout mon offense à la ligne 1 puis avoir un petit jeune sur la ligne 2. Tandis que si Radulov, là, il va faire. Tu te mets sa ligne 2. Tu peux lui donner des chiffres à la place de Gallagher, là. Mais l'affaire que t'as rien, c'est qu'il aime ça brasser sa soupe. Là, justement, dès qu'il y a un jeu, les trios vont changer tout le temps. Il va être tagué numéro 2, mais il va jouer souvent sa ligne 1. Bah, ça sera, c'est sûr que les trios vont changer au moins une fois par semaine. Il est plein de rotes. ça sera jamais stable. J'ai demandé aux gens. Mais j'aime ça, parce que ça fait passer les autres coachs. Il n'y a rien de mal de jouer tes joueurs avec comment la game va pendant la game. C'est de trouver la bonne clique. Il joue dans la nationale. À un moment donné, c'est comme. Tout le monde devrait projeter tout le monde un peu. C'est comme. Ouais, puis c'est bon, parce que ton équipe, ils sont habitués de jouer avec tout le monde. C'est pas, ah ben là, moi j'ai changé de sang, mais je suis plus capable. C'est le cirque, mon ami. Ben, ça, c'est et tous ces numéros. Ouais, mais ça, c'est les hosties de Fifi, man. Des joueurs tapettes en crise qui chialent là-dessus, man. Ça, c'est quelqu'un qui se trouve des excuses. Il n'y a pas de stabilité. J'ai ouvert la période des questions sur Facebook. Il y a des questions qui rentrent. Nick Chalifou qui veut savoir si Roy va venir remplacer Terrien d'ici un an et demi. Non, je pense pas. Absolument. Non, mais ça, Roy. Terrien va prendre. Ça risque d'être plus Mahler que Roy qui va venir remplacer Terrien s'il y a quelque chose à voir. Encore là, moi, je suis d'accord avec ça, mais est-ce que. Trop soft. Est-ce que le Québec est prêt à un entraîneur anglophone? Oh, fuck that. C'est Mahler. C'est Captain Kirk. Les femmes le trouvent cute. Il est tellement sharp. Ça passe à cause de ça. Les matantes le trouvent cute. Tu verrais-tu habillé avec des petits loafers pas de bas comme Terrier, comme Bergevin là, sur le stage. C'est en mode ça. On l'oublie souvent, mais Mahler il est là. Hein. Des fois on y pense pas, mais tabarnak, j'ai c'est juste un bon acquisition. Ah ouais, c'est une acquisition ça. Ça va pas parler, mais... Il s'en parle jamais de ça, de Mahler. Pas pourquoi? Tout le monde a parlé de ça. Ça va faire le bon cop, bad cop. Ça nous prenait ça. C'était juste des vieilles Reagan en arrière du banc. Bon cop, bad cop. Lucas Lessio, pas de contrat avec le CH. Ouais. C'est qui demande? Redman avec le CH, c'est quel genre de joueur? C'est un gars des mineurs. C'est un défenseur. Non, mais ça, c'est vraiment. Oh, c'est de la profondeur dans le fond. Non. Ce joueur-là, là, pour d'un, il en a parlé tout. Ça, c'est un petit trésor caché. Même. Ah ouais? Personne voit. Oh, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a Montcorsi. Qui c'est ça? Non, Redman. C'est vraiment un Redman. Qu'est-ce que tu as pas? Quand toi, je disais dans le chat, là, un bon défenseur offensif. C'était écrit dans le chat. Qui a une astuce de bonne passe. Puis qui est bon sans la rondelle. Non, c'est pour ça qu'il pourrait peut-être être popé. Non, mais c'est un petit trésor qui était. Tous les experts le disent. C'est quelqu'un qui a été. Personne l'a vu. Puis lui, il est allé chercher. Puis c'était un bon coup de Bergevin. C'est pour ça qu'on a des scouts. Mais on a des bons scouts. Dans le fond, les gars, juste pour le fun de même, Weber, vous le mettriez avec qui? Shea Weber? Ouais. Ben, tu le mets avec. Petrie, il peut se faire avec. Non. Markov, mettons, au beau lieu, tu choisis. Non. C'est pas évident. Tu peux pas le mettre avec Markov, puis tu peux le mettre. Moi, je le mettrais avec Beaulieu. Tu pourrais le mettre avec. Mais moi, je mettrais avec Beaulieu. Deux vieux. Weber, c'est un gars qui est moins mobile. C'est pas un gars qui bouge le puck. Non. Tu mets Shea Weber avec Beaulieu. Moi, je le verrais demain, parce que c'est un gars qui bouge pas. Puis Petrie. Après ça, tu termines ça avec Yemlin, puis Barbary ou Bartwin. Yemlin, man, c'est mais je mettrais Patterin à la place de Yemlin. Moi, j'aime mieux Patterin que Yemlin. Fait que Yemlin serait trop, fait que Yemlin devient une modèle d'échange. Le Canadien n'a plus besoin de ça. Il y a un ailier gauche qui est disponible avec des rumeurs. Parce qu'en même temps, il fait plus grand-chose. Ouais, il fesse plus comme avant. Il fait comme un ou deux hits solides par saison. Patterin, il est bon. C'est un gros gaillard. Patterin, il va vouloir en donner, justement. Ouais, parce que je pense pas qu'il va avoir le goût de repasser deux mois et demi dans les estrades à rien colisser. Tu sais, Mélan, là, tu le crisses au balotage. Y a-tu encore sa barbe? Ben, ça, c'est un gars que tu peux perdre par le repêchage expansion. Ben, joue ça. Dans le chat, il y a François Lajapelle Ouellette qui dit que son choix pour remplacer Terrien serait Claude Julien aussitôt qu'il est libre. Ah, fuck. Arrêtez de parler de remplacer Terrien. Il n'est pas libre. Non, puis de toute façon, je ne veux pas avoir un boule dans Rip sa gang dans le Canadien. Là. Non, c'est galasse. avec du gros Ouais, puis on peut-tu arrêter de ramener genre des gars qu'on a déjà eu. On peut-tu arrêter de parler de Terrien, s'il va s'en aller, il s'en ira pas. Si ça va, Bergevin s'en va. Il est là pour l'instant. Il va mourir. On va attendre que la saison commence avant. C'est ça. Il y a Sébastien Wood de Boulevard Brutal qui demande si Sergachev va faire le club cette année. Non. Genre de voir. Non, tu penses qu'il est pas prêt? Ben genre de voir le grand entraîneur. You know me. Ah, you know. Ben non, mais moi, ok, même s'il serait prêt, je l'amènerais pas dans la Ligue nationale. Surtout pas moi. Ben oui, ok. Même s'il impressionne puis il est fort, puis toi qui en avance sur Beaulieu, mettons. Je l'emmènerais du game là, avant, tu sais, parce que après ça, t'as plus le droit de le retourner. Là. Je l'emmènerais. Mais t'as le droit de le retourner, mais parce qu'il faut que tu payes son contrat. Tu payes pas, c'est pas Alex, ma question. C'est son compagnie contrat. Faudrait qu'il m'ait blow me away. S'il y a un défenseur. Mettons qu'il est meilleur que Beaulieu. Non, si je m'inquiète de Beaulieu. S'il y a un défenseur qui se blesse, tu fais quoi? Tu le montes ou tu vas chercher un trade pour un remplaçant du temporaire? Je pourrais le monter temporairement. Non, mais non, temporairement, il va être dans le junior. Tu lui apprends ce qu'il tu le perds. Non, mais ça, non, je le montrerai pas. On a assez de. Parce qu'il y a quel âge? Ce gars-là, il doit avoir peut-être 19 ans. Mais OK, puis c'est à partir de quel âge, la Ligue américaine? Non, il peut aller. Tu peux jouer là. Il peut aller dans la Ligue américaine. Il pourrait l'envoyer dans la Ligue américaine. Vous pouvez l'envoyer dans le junior. Il est pas obligé. Parce que si tu l'amènes dans la Ligue américaine, tu as sa première année de contrat okay, en bas. OK, ça marche dans la Ligue américaine aussi, ce règlement-là. Ouais, c'est ça. Ça embarque. I would do that. Parce que s'il embarque tout de suite, ben, tu as le risque de perdre plus rapidement. Si tu l'as eu du game, tu as vu qu'il est bon, il a un bon potentiel, mais tout de suite dans la Ligue américaine, commence son contrat. L'autre année d'après, je le montrais. T'as un an ou deux pour le développer. Mais je le brûle. Je veux pas le brûler. Puis c'est ça qu'on fait souvent, on devient bandé dur, là, c'est notre premier choix. Puis on le monte tout de suite, puis là, il brûle, puis il dit, moi, mais ça n'a pas marché encore. Il faut que le gars soit meilleur que Beaulieu, il faut qu'il soit meilleur que Yemlin, puis meilleur que Marco. It would have to blow me away, là, que ce serait wow. Mais Chris, man, on a peut-être. Ouais, mais en même temps. C'était là, tu sais. Ben, ça peut arriver, puis Chris, je pense qu'on a peut-être. Ça serait une belle surprise, ça arrive. Mais... Ben, puis on a certains éléments qui peuvent l'aider à apprendre. Faut pas dire que c'est un flop parce qu'on le retourne dans le junior non, après. Non, c'est ça, mais il faut prendre le temps, surtout avec un défenseur. Non, s'entends-tu que tu mets un gars sous l'aile de Shea Weber, man, puis t'as un estime. Mais c'est pour ça que je le garderais le plus longtemps possible. Moi, j'aimerais ça, moi, c'est le même que je vois ça. Moi, je le garderais, le 10 game à Montréal, peu importe. Parce que c'est pour qu'il passe le temps avec l'équipe. Mais ça dépend de quoi il y a dans le camp. Parce que s'il n'est pas prêt de pantoute, tu peux pas garder 10 games. Ouais, mais c'est pas grave. Il est dans l'entourage de l'équipe. Il est dans l'entourage de l'équipe. Il va suivre avec Weber. Il pratique avec les gars. Tu veux l'encadrer parce que tu sais qu'il va monter. Il est dans l'entourage de l'équipe pareil dans le camp d'entraînement. Non, mais c'est pas grave. Je vais lui donner plus de temps. OK. Fait que moi, je le garderais. Puis mais là, je passe au les games d'octobre sont importantes, aussi importantes que les games du mois d'avril. Je comprends. Alex, fais-tu jouer? Je fais juste dire qu'il est dans l'entourage de l'équipe. T'es pas obligé, man! Ben ouais, pourquoi tu vas le garder, Chris? Parce qu'il est dans l'entourage de l'équipe, il se fait un tutoriel avec Shea Weber. Ben, il viendrait fin de semaine voir les gars. Non, ça marche pas de même. Ça. Chris est à Saint John's. Ben, quand il va être à la Saint-John, whatever. Il joue en Ontario. Les Ice Caps. C'est non, loin. C'est. Hein, ben ah, s'il joue. Ok, toi, c'est qu'il tourne en junior absolument. Ben oui. C'est pas sûr, ça. Alex, il y a Nick Salifou qui te demande c'est quand la dernière fois qu'on a monté un jeune à sa première année? Au Canadien Montréal? Ouais. Oui, Chris. Ça, c'est une bonne question. Si tu le sais, Nick, tu peux nous le dire, on le sait pas. Ça fait longtemps. Ben, en tout cas, c'est une crise de bonne question. Mais, puis je vais dire un affaire. Si, je veux dire, on peut le faire à un moment donné. C'est pas un. Galchenyuk. Puis. Il a joué sa première année? Oui. Il a été repêché. Il a pas joué une année full, mais il a parti son contrat. Ouais, Galchenyuk a joué pas mal la première année. Il a commencé. Mettons, il a été repêché l'année d'après, il a fait le club. Gallagher et tout. Ben, Gallagher, je pense qu'il a joué dans l'Américaine l'année d'avant. Je pense. Mais c'est plus comme les joueurs qu'on a voulu trop monter comme la tendresse. Non, mais tu sais, c'est parce que tout le monde a comparé à Guy Lafleur. Ça, j'en comprends pas. Mais c'est ça, à Montréal. On compare Sergachev, c'est la prochaine vedette, man. Tu sais, tous les premiers choix, c'est ça, Sherback, le monde en parle. Puis quand il arrive ici, tout le monde, c'est le prochain joueur vedette. J'entends un peu parler le monde, mettons, tu sais, des médias puis tout ça. Ça a l'air que Sherback, c'est un nest flop, là. Non, ça a l'air qu'il met que le calice, puis ça va pas bien pendant tout, puis qu'il baisse. Je vous dis les stéroïdes, man, les hormones de croissance, c'est pas grave. Oui, dis-tu comme pendant l'été, tabarnak. Il va sonner avec Tenordé. Il y a genre des jambes, je pense qu'il mesure genre, il mesure 6 pieds 1 et qu'il doit avoir genre 6 pieds de jambes. Mais ça, c'est pas grave, la grosseur, gars Gaudreau. Là. Ça veut rien dire, mais en tout cas, j'ai hâte de voir Sherback. Pas juste ça. Apparemment, le gars, plus ça va, plus ça baisse, plus que le monde dit que ça pourrait être un flop. Ça a l'air que les jeunes qui rentrent, le réveil, puis le Arturi Lehkonen, le Finlandais, là, ça l'a déjà quasiment dépassé. Ça l'a éréché, mettons, des attaquants. On va le voir là. Dernière question, les gars, pour finir le podcast. Une belle question là, pour nous enflammer. Ouais, on va essayer de faire ça rapidement quand même. Question de Eric Saint-Louis qui veut savoir si le CH est 2 victoires, 8 défaites après 10 games pour les premiers matchs, est-ce que Bergevin et Therrien sont toujours en poste, selon vous? Elles sont tout le temps sur le côté. Bergevin, oui. Therrien. Peut-être que Bergevin va décider pour sauver sa peau, mais en fait, il va démissionner. Ça va dépendre exactement ce que j'allais dire. Ça va dépendre de comment on a perdu les matchs. Écoute, je serais surpris au bout parce qu'il vient de signer un contrat jusqu'en 2020. Ça veut rien dire. Je sais que ça veut rien dire, mais. Il peut donner 100 millions de Canadien est capable de se débarrasser de n'importe quel calliste de coach à n'importe quel moment, même s'il y a un contrat. Là, on parle du DG. On paye encore Guy Carbonneau. On parle pour les deux, man. On paye encore Guy Carbonneau. Moi, je pense qu'on va avoir un bon mois d'octobre, puis on va sûrement finir dans le top 3 de notre division encore cette année. Là. Encore cette année? Encore depuis quand? L'année passée, on n'a pas existé. Mettons qu'on doit l'année passée, mais je pense qu'on finit dans le top 3. Tu peux pas l'oublier, il faut que tu la mettes l'année passée. Elle est importante, même. Oui, parce que ça a été une bonne année d'apprentissage pour les gens. Ça a été une belle erreur de marde. Une belle année d'apprentissage. Fait que en terminant, suivez le compte Twitter de Piqué Souban. Alex a dit que ça a l'air qu'il y a... Pas plus de niaiserie, juste d'hockey. C'est juste... Ah, Jeff a un... Il a recentré son message. Son équipe a dit, là, tu vas arrêter de niaiser. Parle juste d'hockey. Peut-être qu'il y a un petit message de Nashville tout, pour dire que tu ne pas comme à Montréal. Que le Nashville l'ont plus contrôlé que le Canadien déjà. Ouais. Ils ont eu plus de gosses. Ils ont fuck around. Tu sais, l'affaire de chanter dans le bar, je pense pas qu'ils ont aimé ça. Ils montrent juste des images vraiment focus hockey. ça à l'entraînement, tu sais, juste relié aux Predators. Il va être dominant cette année. Plus de social pour Piqué. Bon, ça y est. Je suggère à la Violette de mettre Ribeiro et Subban co-chambreur. Tu conseilles de mettre du coup de Montréal. Parce que c'est deux gays, puis on va avoir du fun. Quelle caméra tu veux? Ça va être la partie. Je vais y aller avec celle-là. Je pense celle-là. Fait que pour ceux qui se joindraient à nous pour la première fois, GF aime bien faire un call-out par épisode. Donc, call-out, c'est. Tu call-out ton propre pool. C'est GF qui crie après du monde pour une raison. Non, parce que non, mais moi, je suis content de mes notes. Fait qu'on y va avec. Je suis content de mes notes. T'as tellement travaillé fort. Une crise de chance. C'est tout propre. Tu l'as pris où cette liste-là? Ça vient d'un site, ça. Ben, j'ai lu comme plusieurs, comme Hockey News, Hockey Magazine. Les cordes à GF. Puis j'ai avec mes... C'est brutal d'être content. TVA Sport qui change de nom. À TVA Sport, droit au cœur. Je sais pas qui a eu l'idée, mais c'est de la merde. Premièrement, on s'en calisse. La maison de Weber à Candiac. Weber est rendu chez lui. Vous savez même pas comment écrire son prénom. En plus, c'est rendu que des blogueurs vont vous filmer à TV pour vous dire que vous faites des erreurs. Ça, c'est de la merde. Je vous le dis cette année, les boys, là. Je vous ai à l'œil. OK? Ah. Tu vois ça ici, là? I got a license to carry, motherfucker. Fait que là, à un moment donné, là, va falloir que vous soyez à la hauteur parce que ça fait dur, votre affaire. Et puis... C'est ça, là. Je suis tanné. C'est décevant, ce call-out, là. C'est pas décevant. T'as pas crié fort, mais... J'ai pas crié fort parce que c'est pas la saison. Tu le gardes pour le live à Montréal. C'est un call-out d'été, là. Genre, c'est à la plage avec une mode de l'eau, là. Je vous avertis. T'as tout compris le principe. À qui parlait? À TVA Sport. Ben, je parle à TVA Sport. Je parle à tous ceux qui travaillent à TVA Sport. Mais je pensais que tu parlais de blogueur. Je pensais que tu parlais de 25 Stanley au travail de ça. Je suis tout mêlé, moi, quand. Ah, ben là, j'ai pas du nom, mais si tu voulais dropper. On aime dropper 25 Stanley. 25 Stanley. Dans les coulisses, puis absolument faire. On vous check encore cette année. C'est sûr qu'on va vous checker, là. C'est sûr. Hey, puis à passant, là, on s'en calisse-tu de la blonde à Bergevin qui pose des photos de lui sur Facebook? Voyons donc, tabarnak. Hey, c'est rendu. Pensez-vous que le public, là, c'est toutes des matantes qui écoutent La Voix, style, le dimanche? Ça pogne. Les potins au Québec, ça pogne. Surtout avec les Canadiens. Peut-être pas toi, mais ça pogne pour tout le monde, man. Je veux dire, population générale, son sacrement. Il a même pas ramassé une estime lob, Là, Éco Vedette, il doit y avoir un petit paquet de monde qui se calisse pas des potins du Canadien. C'est le seul club qu'on a ici. S'entends-tu que, man, le monde, là, ça les intéresse puis de voir. On le vit du Canadien. Hey, je veux le voir, moi, le condo de Piqué Souben. Hey, je vais te faire un aveu, Mallette. Allez, voir les photos. Moi, t'es au chalet. Fuck that. I wanna see that. T'avais l'intérêt pour ça. Moi, je suis allé. Non, mais je suis tombé dessus. J'ai fait comme, I wanna see that. Je vais te pogner au pied. Tout le monde parlait du sous-walking. Ça t'intéresse, toi? Quel piège? C'est quoi le piège? Ben, voyons d'autres. Tu leur fais des clics. Eux autres, ils veulent avoir des clics pour qu'ils puissent payer leur crise de Subway avec leur sauce qui goûte la calice de merde. Non, mais Jeff, tu me dis, est-ce que ça m'intéresse? Non. Si tu me le copies le lien puis tu me le mets dans le chat Facebook, moi cliquer dessus, tu m'as envoyé un lien. Tu m'as envoyé. Ben, je vous le montre pour vous dire que c'est de la merde. Puis t'es allé chercher le lien, fait que t'es allé sur le site. Si t'as vu le copier le lien, fait que t'étais premier à aller voir ça. Ben, je l'ai fait pour vous montrer que c'est de la merde. Je l'ai fait pour montrer que c'est de la merde. Je l'ai pas lu l'article. Je l'ai pas lu du tout, là. Hey, ça fait juste copier des articles que j'ai lus la veille à ça en anglais. Mais t'as checké les photos. Mais moi, j'ai regardé les photos. Je vais te dire mieux que ça, Mallette. J'ai vu les photos du condo du puis j'ai vu les photos de la maison de chez. Parce que, on s'entend-tu que j'ai vu la maison de chez de l'extérieur et j'ai fait. Ça, c'est chez Weber? Moi, j'ai regardé les photos de Subban. Subban, c'est un assez beau condo. Je me suis dit, hey, c'est beau. Il a fait un walk-in avec sa chambre, puis tu vois son manteau de fourrure mauve. J'étais comme, tabarnak. Non, mais moi, j'ai été par l'agence. Est-ce qu'il est bim? T'as vu ça pour vrai? Mais oui! Il y a une photo, son compte est là. Il est jamais chez Weber. Il y a un îlot dans son walk-in. Ouais. Il peut se faire du café. Non, non, le matin, c'est intense, man. C'est vraiment beau. C'est serré ses souliers. Hey, puis l'affaire de Subban, qui a fait sa conférence de presse cette semaine là, pour la Fondation des enfants, que je trouve que c'est un très bon geste en passant. Ouais. Il dit la première chose qui m'est passée à travers l'esprit après l'échange, c'est que je m'inquiétais pour ma fondation. Hey, fuck you. Fuck you. Hey, c'est la première chose qui t'est passée par la tête. C'est juste du bon PR. Ben oui, mais tabarnak. Après ça, le monde dit oh, pique. Ça fonctionne parce que tu dis ça puis ça fait réaliser le monde. Puis sais-tu qu'est-ce que ça fait? T'en parles aujourd'hui. Mais pas juste ça, c'est que ça fait que t'as du monde qui ça les met en crise encore plus que l'échange. Mais non, il n'y a pas beaucoup échangé. En crise. Tout le monde pleure encore son échange. C'est ça que je dis. Tu viens ça. T'as-tu écouté ce que j'ai dit? Joue la game. J'ai compris que le monde était comme. D'accord avec moi. Non, j'ai dit ça les met en crise que le Canadien l'ait échangé. Ouais, non, mais c'est ça, pas d'accord. C'est que ça les met encore plus en crise parce qu'ils se disent « Hostie, t'as-tu vu comment c'est un bon gars, man? Hostie, il va donner de l'argent encore puis c'est de la faute du Canadien qui est échangé. » Parce que le show est fini, là. Est-ce qu'on peut aussi dégraisser que cette année, on s'en... On a déjà pas busté. Ouais, mais est-ce qu'on s'en calisse-tu de Subban cette année aussi? Oui, à Subban, là, regarde. Hey, Subban, il a été échangé. C'est plate. Mais c'est ça, c'est ça. Puis on passe à un autre appel, Asti. Puis l'autre appel, c'est chez Weber. Il n'a pas été échangé contre des 30 sous collés sur une poche. Il a été échangé contre chez Weber. Puis par rapport à toutes les rumeurs et les gars, je pense qu'ils savent pas qui est chez Weber. C'est pour ça qu'ils disent qu'il est mauvais. Quand le gars, il a comparé chez Weber à Sheldon Sorey, on peut s'entendre que ce gars, il connaît pas encore le walkie. Ah, man, vraiment, là, j'ai même pas le goût. Je n'aimerais pas de nom. Juste pour finir sur les astis de gazette et les rumeurs de match, JF aime pas. Il y a Nick Chalifou qui veut rappeler à JF que l'année passée, c'est lui qui partait des rumeurs sur les gars qui s'est réplanché chez Pacioretty. Ah, c'est vrai, ça. C'est pas des rumeurs, c'est des faits. Je connais le gars. Si j'avais des photos dans mon téléphone. C'est tout speak, Vincent Stanley. Monsieur Gossip, ben. Attendez, cette année, ça va être pire que l'année passée. Il y a deux gars de gossip ici. Il y a toi, puis il y a ton frère qui nous amène un petit genre de gossip une fois de temps en temps. Puis là, il dit il va vous le dire au prochain podcast. Je vais vous le dire au prochain podcast. Mais il vient pas. Mon frère, il manque 1800 messages, puis il dit j'ai une rumeur sur Bergevin, puis là, il vient pas. Ben ouais, puis la différence, c'est que moi, quand je parle pas comme un winger. C'est ça l'expression que t'as dit tantôt? Non, je le dirai pas. On va regarder ça pour l'autre. Mais ouais, l'autre. Que, mais j'imagine que ça rime avec Wenger. Ouais. Suivez-nous sur W-I-G-G-I. G-G-E-I. Suivez-nous sur Twitter. Attends, répète, je vais l'écrire. W-I-G-G-E-I. Le jeu est fini. Fait qu'on vous invite fortement à nous suivre sur Facebook cette année parce qu'on va diffuser en direct de Facebook. Puis. C'est ça, là. Allez vous inscrire au bout. Quelle belle fin. Magistrale. Toujours merveilleux, les fins comme ça. Fait que, suivez-nous. Venez nous voir le 5 octobre prochain, mercredi 5 octobre, dès 21h pour soirée du podcast en direct de Arcade Montréal. On vous rappelle qu'on reçoit Papa Cassette, Seb de Boulevard Brutal et Eric de Geek Collectif. Ça va être malade. Ça va être violent. Hey, j'ai juste une chose à dire. Viens à Arcade Montréal. En plus, check bien ça. Parce que viens de bonheur. Viens de bonheur. Tu peux gamer, sur du rétro-gaming avec des vieilles arcades. Après ça, t'as le podcast. Puis pendant le podcast, tu peux te prendre un punch qui va donner une shot sur la gueule. Combien tu gages que j'ai pour payer des shots de Jameson? Combien tu gages, Esti? Toi, des shots de Jameson. Toi, tu reviens pas en char. Là. Non, moi, je prends Uber. Uber, est-tu légal encore? Oui. Okay. Ouais, mais dis-les pas. C'est pas trop fort. Fait qu'on va finir le jeu. On va s'accoler un secret. on s'envoie le 5 octobre prochain pour le début officiel de la saison de la soirée du podcast. À la prochaine, tout le monde! Yeah!